lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Et bonsoir en manchette ce soir, feu, prison et Burger King. Et pour vous parler des affaires ce soir, Étienne Lapointe, Mathieu Boudreau, Coralie Leperrière, Richard Zetirois, Alexandre Sarfati, est-ce que je recommence? Alexandre Larocque, ainsi que notre invité Mario Peluso en direct du Brouhaha à Montréal. Vous êtes à 70%. Enfants, des annonces de char, pour plusieurs des barbeaux, c'est des œuvres de d'art. Faut pas rester en cabané, ton écran va finir par te rendre cerné. Je le vois dans tes yeux, que tu trouves ça douteux. Je le vois dans tes yeux, que tu trouves ça douteux. Bonsoir, bienvenue à 70%. Merci beaucoup à Jocelyn Thérien, JF Cardinal, les douchebags de ce soir. Merci beaucoup. Quelle belle aventure. J'aime ça commencer avec ça, on règle ça. Et sans eux, il n'y aurait rien. Alexandre Larocque, Stéphane Mallette à la console, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ils ont eu plein de nouveaux. On est en train de former la nouveauté, la relève, sans qui rien de tout ceci ne peut se passer. Et d'ailleurs, parlant de relève assurée, c'est sûr que je vais en reparler encore la semaine prochaine. On a samedi prochain, ici même, dans la même salle où vous êtes, pour 10$, l'expert mondial en wing-wing, qui s'appelle Andrew Leavold, va venir nous présenter un film qu'il a fait ainsi qu'un montage des meilleurs extraits de Wang Wang. Et lui, comme c'est un petit freak d'Australie qui court après ce gars-là depuis 30 ans, il a tout, tu sais. Toi, tu penses que tu as vu les 2-3 films, mais il y a 24 films avec des extraits de Wang Wang qui est, je vous le rappelle, la plus petite star qui avait un rôle numéro 1 dans un long métrage. C'est Wang Wang avec 2 pieds 9. 2 pieds 9 de furie. Troisième dan en taekwondo, Wang Wang. Il est mort parce que c'est un alcoolique fini qui voulait boire autant que les adultes autour. Les plus grands autour. Donc, samedi qui s'en vient, le 7 octobre, ici même pour 10$, une expérience vraiment unique. C'est le fun qu'il fasse le tour. Merci à Célia de nous avoir plugué avec ça. 10$ à la porte, puis on lui donne tout le cash pour lui donner envie de revenir. Parce que, ou qu'il nous donne une copie des films, ou je ne sais pas, ça va vraiment être particulier. Est-ce que j'ai hâte de voir ça? Sinon, bon, on a fait un marathon de Blaxploitation samedi passé, puis lundi prochain, je vais être rendu un Lord écossais. C'est toutes des affaires qui sont vraies. Ça va devenir des affaires mieux sues avec le temps. Toi, Bruno, comment ça se passe? Ben, mettons qu'il y avait tout eu un gun, là. Ça semble que ça aurait été mieux, hein? Ah, tu parles de hier à Vegas? Ouais. Ouais, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Faut pas politiser ça. Non, non, non, non. Sauf qu'il y en a qui disent que si tout le monde avait eu un gun. Ben, mettons que tout le monde avait eu un gun. C'est vrai. Il est où votre gun? Vous faites partie du problème? Il n'y a personne qui a un gun ici. Il y a un tireur fou qui rentre avec le sien. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On se sauve? C'est ça. Comme des lâches? J'ai emmené ma guitare. Oh, j'aime ça. Un Mario impliqué, ça peut marcher. Quoi que non. On y a encore un coup dans le fond, tu vas voir. Ah, ça, j'aime ça. OK, tu passes à l'offensive. Ben oui, ben oui. T'es mis qu'à main style. Ben ouais. Avant de plonger là-dedans, je veux montrer... Oui. Ben oui, il faut que ça se passe. Je veux montrer à Bruno, parce que j'ai une surprise pour toi, Bruno. C'est Elvino qui nous a fabriqué des surprises. Ça devrait être quand même d'assez pas pire... Elvino, dans ton micro? Alors, ce segment-là, pour le podcast, vous avez besoin de l'image, alors allez sur douteux.tv. Hey, Constantin, t'es avec vous? Hey, Constantin, reste là. Ça, c'est Constantin. T'étais-tu prêt ou... Ben, je... Alors, voici, voilà. Alors, ici, Tommy, bienvenue avec 70%. En manchette aujourd'hui! Ah, je m'ai pas fait la barbe. Yeah! Merci. Okay. Tu y as mis un molette puis une barbe blanche. Tiens, ben oui. Regarde un beau macaron de... René Simard. Ah, ben oui, tout le monde l'aime. Oui. Qu'est-ce que ton macaron, là? C'est un jour aussi douteux. Oui. Alors, pénètre-toi. Ah, tiens, là. Vas-y. Ah, oh, il y a une grosse main, hein? J'ai pas pensé à ça. Oh, allô? C'est tout, merci, non? OK, j'ai fait Bruno! Oh, il y a Bruno aussi! Mais lui, il est facile à pénétrer. Mais je trouve qu'il te ressemble quand même un peu. Allez! Alors, en manchette à 70%, hein? Il y a des malades avec des guns partout! Ouais! Et où ma blonde? Jessie! Chérie, viens ici, s'il vous plaît! Ah, mon amour! Ah, chérie, on fera un sex tape de popette tantôt, hein? À la maison, on va être bien du fun. Merci, Jessie. Collaboratrice, ça a douté. Ah, ouais. Fait que, Bruno, pénètre-toi. Ah, oui. Donc, si vous avez besoin de popette, je pense que... Hey, ça, Elvino Valley sur Facebook, Elvino Movie sur YouTube, YouTuber popetteur depuis 10 ans, merci. Et voilà. Merci beaucoup, Elvino, mesdames et messieurs. Merci. Naissance de deux affaires. T'es témoin de ça ce soir, mon cher Mario. C'est joli, c'est bon, personne aussi. C'est... aussi hein? Quand même, oui. Hein? C'est assez remarquable. Falloir que je me rase, par exemple. Ouais, c'est ça, il va falloir qu'on... C'est vraiment hot. Merci beaucoup à lui, à Elvino. Ouais, ben, je pense que... Quand il a commencé sa mopette il y a six mois, probablement que t'avais pas encore une... Ah, peut-être, ouais. Ah, je pense qu'on va adresser l'éléphant dans la pièce. Mesdames et messieurs, on applaudit notre invité de ce soir, s'il vous plaît, Mario Peluso. Let's go! Comment qu'il y a personne qui me connaît ici. Tu vois, c'est un podcast qu'on enregistre. Il y a beaucoup de visuels à date, mais toi, on te connaît surtout comme étant un musicien. Ouais. Est-ce que tu as commencé la guitare parce que ça l'aide avec les filles, entre moi et toi? Non, ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Comme ça? Tu t'es enfargé là-dedans? Non, je payais déjà avec les filles, fait que j'aurais pas de problème. Oh, j'aime ça. Puis, on peut le dire, hein, c'est un secret. J'étais boutonneux quand j'étais jeune. Ah ouais? Fait que j'avais pas beaucoup de succès avec les filles. Ben, t'avais encore plus besoin de jouer de la guitare. J'avais besoin surtout de jouer de la guitare pour m'exprimer, je dirais. OK, c'est une bonne affaire, ça. Ouais. T'as-tu l'impression que ça a réussi, ce dossier-là? Je travaille encore là-dessus. J'adore ça. Sinon, ben toi, Mario, peu de gens le savent, ouais. Mais tu viens d'Anglier au Témiscamingue. Ben, je pense que pas personne sait c'est où Anglier au Témiscamingue. Moi, pour vrai, moi. Il n'y a pas grand monde qui sait c'est où le Témiscamingue. J'ai vu beaucoup encore de. Moins Anglier. Anglier, puis même. Mais faut savoir que moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, Anglier, ça n'existait pas quand il est arrivé. En fait, quand ils ont construit le train pour aller partir de, je sais pas, de Montréal ou je sais pas quelle région, là, à l'époque, dans les années 15-20, quand ils ont ouvert les terres pour emmener les colons dans le nord pour, je sais pas, le permettre de gagner le vie. On était dans les années 1850-60. Non, 1912-1915. Okay, après la première guerre. Oh, il y avait du fun dans ce temps-là. Il y avait hein? du fun. Il débarquait, il n'y avait rien. Ils ont dit, on s'installe ici. Oui, ben, au moins, on a peuplé ça. Ils ont fait Anglier. Anglier, moi, j'en ai vu des petits villages cute dans ma vie, mais je pense que c'est mon préféré à ce niveau-là. Tu as un gros barrage qui bloque la rivière des 15. Il y a le T. Draper. C'est quand la dernière fois que tu as visité le T. Draper? C'est cet été, je suis allé au printemps. Arrête donc, ben toi! Oui, je pensais te plugger, Colin, il est encore là. Il est encore là. Puis, sais-tu réglé l'affaire qu'il n'y avait plus d'eau potable? Ils n'ont toujours pas d'eau potable. C'est un petit peu navrant, ça. Hein? C'est très navrant. Tu habites dans une région où il y a de l'eau tout le tour, partout. Mais que l'eau potable que tu vois dans le village n'est pas potable. Oui, c'est assez particulier. Pas potable. Oh. C'est une agglomération pour laquelle on paye des taxes et eux autres, ils n'ont vraiment rien. Mais la réalité, c'est que nos gouvernements s'en calissent parce que, à quelque part, il y a 300 personnes qui habitent là, puis pour eux autres, probablement que c'est une. C'est pas assez de votes pour faire changer l'idée de faire changer, mettons. C'est quand même une très noble manière de mentionner ça, mon cher. Et puis, est-ce que l'idée d'être entouré de ces espèces. C'est des vieux aussi, beaucoup, fait qu'à quelque part, ils se disent bon, regarde, c'est un public non captif, comme on dit. Bon, en tout cas. C'est vrai. C'est mon humour un peu cynique. Laisse-toi aller, mon gars. Mais c'est pas, ça s'appelle pas douteux.com. Oh, t'es à ta place. Oh, oui, on va surfer là-dessus. J'ai pas besoin d'adapter mon humour. En général, il est un petit peu comme ça. Je t'en prie. Ben non, on veut t'avoir à 70%. Ça veut dire pas trop stressé. Puis au pire, on prend nos gorgées. C'est là que je commence à comprendre le concept. Ben oui, tu vois, ça va. Ben sinon, ben, Anglier, pour toi, est-ce que c'est une source d'inspiration dans tes chansons? Oui, ben en fait, je dirais que c'est ma mine d'or d'inspiration en fait. Ah ouais, hein, pour mine moi, d'or. Pour moi, ma mine d'or d'inspiration, mais il n'y a pas de mine là-bas, mais il y a du bois, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y a de l'eau, mais de l'eau n'est pas potable. Mais tu vois, en trois mots, je viens de dire quelque chose qui en fait, tout ce que j'ai fait depuis... Moi, j'ai fait 8 albums quand même. J'ai écrit des chansons pour d'autres, c'est ça. Ouais, 8 albums quand même. Puis je te dirais que la plupart des chansons que quand j'écris des chansons, ça part toujours de l'enfance un peu, beaucoup. Ça part toujours... La nostalgie de c'est ça, exactement. Okay. Je suis rendu à 55 ans aujourd'hui, puis bon, dans mon cœur, j'ai 5 ans. Oh, c'est cute! Ben oui, c'est cute. Je le savais que vous l'aimeriez. Sinon, ben Mario Peluso, là, t'es rendu à Montréal, puis tu fais des shows. Je suis établi à Montréal, oui. Oui, oui, oui. Ben, pas le choix. C'est ton père qui t'a fait peur? Ou? Non, c'est la réalité économique de mon statut d'artiste en Abitibi. Effectivement. En déménageant ici, ça n'a pas évolué beaucoup, mais à l'époque, au début... Parce que je suis parti d'Abitibi avec... Quand je suis arrivé ici, moi, il faut savoir qu'à 30 ans, à 29 ans, je pensais pas que je ferais de la musique un jour dans ma vie. Ah ouais, hein? Ben, j'en faisais un petit peu, mais en même temps, j'avais... Mais je sais pas, c'était pas quelque chose qui était prévu tant que ça. Je faisais toutes sortes de métiers. Je conduis des camions, je travaillais dans les mines, travaillais dans le bois. Tu faisais des expériences à raconter. À tous les 6 mois, je changeais de job parce qu'à quelque part, je la trouvais toujours un petit peu plate. Puis, bon, regarde, j'aurais dû aller à l'école plus longtemps, puis j'aurais pu apprendre un métier comme avocat, médecin. Est-ce que tu peux regarder la caméra et dire « Restez à l'école et finissez votre lait » Ouais, pour beaucoup de monde, je dirais faites des études. Allez à l'école un petit peu plus longtemps mais que moi. Mais tu t'en es bien sorti quand même. Une carrière d'auteur, compositeur, interprète qui dure depuis 8 albums. La renommée underground aussi, assez vintage. À un moment donné, le monde va se dire comment ça se fait qu'on le connaissait pas assez, lui. Est-ce que tu es dans l'ombre de Bourbon Gauthier, le géant du Zydeco au Québec? Non, je suis pas dans l'ombre de personne. Non, hein? Non. J'aime non. ça de même. C'était mon Mario préféré en soi. Non, je veux dire, honnêtement, la carrière, puis on parle toujours de carrière, si vous savez. Il faut savoir quel genre de carrière tu veux faire, quel genre de carrière tu veux mener. C'est sûr que si je voulais une carrière, mettons, sous les spotlights à tous les jours. J'aurais pas réussi ma carrière, mais moi, j'ai pas basé ma carrière. Tu serais en bédaine, là. Je serais probablement en bédaine, puis bronzé et tout, c'est ça? sinon, à 70... Non. OK. Laisse-moi parler, là. Je t'écoute. J'étais parti pour une belle histoire, là. Ben, j'aime ça, ouais. Je t'écoute. Mais ce que je voulais dire, c'est que... on a la carrière qu'on choisit un petit peu de certaines façons. Regarde, moi, je suis un auteur-compositeur. À la base... plus compositeur qu'auteur. OK. J'ai eu la chance, à travers les années, de toujours travailler avec des auteurs ou de rencontrer des auteurs qui des étaient gens comme qui très... qui complétaient. Qui me complétaient puis qui savaient comme trouver les mots que moi, dans le fond, ça m'aurait pris des mois, des années peut-être avant de les formuler. T'es meilleur avec tes doigts qu'avec ta langue. Ça dépend à qui tu le demandes, mais c'est relatif dans la vie. j'écoute. Oui, j'écoute, je sais que t'écoutes. Est-ce qu'il y a un nom parmi ceux-là, que mettons, quelqu'un qui t'a aidé plus que les autres? Je dirais le fils de Gilles Vigneault, qui s'appelle François Vigneault, qui est, okay. un, qui travaille, lui, dans un hôpital psychiatrique, puis qui... Il se fait des histoires à raconter. Oui, il est Napoléon dans un hôpital psychiatrique. Puis Louis Giffard à Québec, en tout cas, là. Qui lui, il fait un job là-bas, puis il écrit des textes, tout ça, puis bon, il... Et puis, à travers les années, on a toujours collaboré, on a fait un album même au complet ensemble. Tout ça, okay. Puis bon, voilà, c'est un de ceux que je dirais qu'aujourd'hui encore, même on collabore encore. Puis, bonne affaire, ça. Mais c'est ça, mais pourquoi je disais ça? Ben, parce que je te l'ai demandé. Ben oui. Ben, ça prenait comme des noms. Ben, j'ai travaillé aussi avec. Avec Tabra, Roger Tabra, tout ça qui est décédé maintenant. On le salue, ben oui. On le salue, c'est ça. Puis Mistral aussi, Christian Mistral, au début de ma carrière. OK. Moi, je travaille avec des gens quand même très intéressants. Ben oui, ça te fait des anecdotes avec Roger Tabra, ça doit aller mieux quand on est sous un peu. Avec Tabra, avec Mistral, ça fait beaucoup de... OK. Mistral, ça va faire des anecdotes. L'histoire je pourrais écrire un livre. Ben, garde ça pour un moment donné. Pourquoi peut-être un disque éventuel. Un livre dont vous êtes le héros. Oui, c'est ça. Vous passez la soirée avec Tabra. Les héros. On est les héros. J'aime ça. Sinon, ben à 70%, on demande une affaire que je me fais tout le temps répondre non. Ouais. Est-ce que tu joues à Magic? À Magic, c'est quoi ça? Tu voulais reformuler, ça veut dire non, genre? Non, non. Ben, peut-être que tu joues à sans Magic. Le savoir. Ouais, t'es un sorcier, puis là, j'en parle. Ah, mais je peux jouer si tu veux. Oh, j'aime ça, il est open. Sinon, ben, on demande tout le temps aussi à nos invités de nous faire un indicatif. Bonjour, je suis Mario Peluso et je sais pas trop ce que je fais à 70%. Ou ce que tu veux, là, tu peux en parler comme tu veux. Bonsoir. Faire un indicatif dont vous êtes le héros. Bon, je fais ça maintenant, là. Go! Bonsoir, mon nom est Mario Peluso. Je suis présentement à Indicatif Présent. Et puis, je sais pas trop ce que je fais ici, mais c'est agréable la date, ça va bien. Puis, je m'ai commandé une poutine, ça va pas pire. À 70%, OK. Merci beaucoup, Mario Peluso! Ce qui veut dire aussi, on va parler de ton spectacle qui s'en vient dans l'émission. J'ai fait une blague, là. Je savais que ce soit 10%. Je sais, taquin, voyons donc, ça m'en prend pas mal. Moi, je joue dans la marge. Pas un bourrelet en public. Moi, je te joue dans la marge un peu, fait que je joue dans le 30, moi. Ah ouais, c'est le 30 qui m'intéresse. Tu vas voir, on va aller avec toi parce qu'on a une heure à passer ensemble. Il y a des chroniqueurs qui vont passer. T'as un micro, n'hésite pas à passer tes opinions. Tu vas faire un spectacle bientôt, on va en parler tantôt. Ouais. Je suis vraiment bien, je me sens bien. J'ai comme deux. J'ai comme un exutoire. T'as deux cadeaux. Avec la barbe blanche. La barbe blanche. Let's go, Jocelyn, amène-nous dans le show, s'il te plaît. En Nouvelle-Orléans, un homme est tombé de son balcon alors qu'il tentait de cracher sur des passants dans la rue. Les services de secours sont rapidement arrivés sur les lieux. La condition médicale de l'homme n'avait pas été dévoilée au moment de la diffusion de cet épisode. Tu vas dire, on ne sait pas si l'alcool est en cause. Dans non, pas. On s'en doute, mais tu sais, bon. Chris, ça ne tente pas trop de l'aider, pareil. Ouais. Pareil qu'il a fallu qu'il disperse le monde un peu. OK, ouais. Ouais. OK. Ouais. Peut-être qu'il était en train de se revenger, c'est lui, pendant qu'il était par terre, en train de saigner. C'est vrai, ben oui. Suite à la sortie du Super NES Classic Edition, plusieurs fans se rendent compte que le personnage le plus versatile de l'histoire du jeu vidéo, Mario Bros, est coupable de cruauté envers les animaux. En effet, chaque personne ayant grandi dans les années 90 s'était déjà rendu compte que Mario crissait un coup de poing derrière la tête de Yoshi afin de lui faire sortir la langue pour qu'il mange des affaires. Mais les développeurs du jeu viennent maintenant de confirmer le tout, affirmant que Mario punch le gentil dinosaure qui, surpris, sort la langue. Prends ça, ton enfance. Hey, puis je veux dire, on sait que Mario, il pète les blocs avec ses poings, les mêmes poings qu'il utilise pour puncher Yoshi en arrière de la tête. Ouais. Puis Yoshi, il se fait 20 secondes qu'il existe même pas. Il vient de sortir de son œuf. Uh-huh. Il défie un petit peu les lois de la thermodynamique, d'ailleurs, quand il sort de son œuf. Ouais, puis aussi, quand il avale quelque chose trois fois gros comme lui, puis qu'il fait un œuf avec ça par la magie de sa dilatation. En tout cas, continue. Oui, le fun était pogné sur la pelouse d'un homme de Iredell County, en Caroline du Nord. J'étudie le fun, je voulais dire le feu. Le feu était pogné. Bobby Lee Messer, 30 ans, et son oncle Jimmy Carson Messer, 62 ans, regardaient une tondeuse et une automobile, toutes deux en train de s'enflammer à quelques mètres d'eux. Les deux hommes, probablement en manque de divertissement devant ce phénomène thermique, ont alors décidé de sortir les guns et de commencer à tirer sur les voitures qui passaient dans la rue. Arrivé sur les lieux, la police a arrêté les deux hommes. L'aîné aurait par contre réussi à se libérer de ses menottes, forçant les policiers à utiliser un pistolet à impulsion électrique sur lui. Les deux hommes ont reçu des accusations, leurs cautions respectives s'élevant à 5 000 $ chacun, et Jimmy Messer est retourné chez lui le soir même et aurait mis feu à sa résidence. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Ouais, je connais des gens comme ça. Hey, à chaque étape, il était plus calme, ce monde-là. C'est vraiment particulier. C'est pas gros, 5 000 $ pour tirer n'importe où, me semble. J'imagine que quand t'es dans Arnold County, en Caroline du Nord, 5 000 $, c'est beaucoup d'argent. Ben oui, parce que sinon, si t'as pas ton gun, t'es pratiquement un meurtrier avec le gars qui tire dans tout le monde. Écoute, ça a pas... Merci beaucoup, Bruno. Bruno Corbin, mesdames, messieurs, qui va revenir plus tard dans l'émission. Ah. Ça commence vraiment bien. Let's go, on passe au prochain. Pas fini sa bouchée. Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Étienne. Ouais. Allô? Il vient de Val-d'Or. T'es-tu bien sous à soir ou... Non. Justement, la dernière fois, tabarnak, je m'en souviens. C'était le lendemain de la Saint-Jean ou quelque chose du genre, Bruno? Je pense que j'avais parlé du défilé. Puis... C'est toi qui viens de dire que tu t'en souviens. C'était ça. Mais non, je me suis beaucoup assagi depuis le temps. Je me suis acheté une voiture. J'ai passé mon permis de conduire. T'as fait ça dans cet ordre-là? C'est rare que le monde fonctionne. Non, j'ai acheté... j'ai acheté la maison, puis après... j'ai acheté une maison après le permis, mais la voiture avant le permis. J'aurais pas dû poser la question. Non, OK. c'est ça. Fait que toujours est-il que non, ce soir-là, effectivement, j'étais un peu intoxiqué. C'est le bon mot. Je suis beaucoup moins maintenant, surtout que je prends ma voiture tantôt. Mais je pense pas rentrer coucher ce soir. Chez moi, c'est-à-dire. OK, mais on est pendant le show live, là. Oui, c'est bon. Puis j'avais une super bonne idée de chronique, puis je me suis bloqué le nerf sciatique. Ça fait mal en tabarnak. Puis finalement, j'ai pas pu la finir. Fait qu'à la place, j'ai pensé vous parler de toutes mes idées de chronique avortées. Parce que quand j'étais intoxiqué, je prends mon cellulaire quand j'ai une bonne idée. Puis tu sais, j'écris dans mon cellulaire, « Écris ça, ça va faire une astide bonne chronique. » Puis finalement, ça se passe pas. Non, parce que... Tu te bloques le sinasiatique. Ouais. Non, c'est parce que après, quand j'ai relis, c'est pas si bon. Tu nous invites à visiter tes cul-de-sac. Exactement. J'adore ça. Fait que celle-là, OK. C'est pas fort. Idée de chronique. Lecture de la Bible. Mais genre, lettre de Saint-Étienne aux moutons. Dude. Hey, un peu de musique d'église là-dessus, ce serait peut-être pas pire. Dude, en vérité, je vous le dis, ne prends pas mes paroles pour du cash. Le doute, c'est quelque chose de bon pour tout le monde. Puis ça, c'était le début de l'idée. Là. Le reste du pitch, je ne l'ai pas encore. Fait qu'on va passer à la prochaine. Celle-là est pas pire. J'hésite à vous en parler. C'est un concept qui est beaucoup hot sur papier. Oui. Mais ça, c'est bon. J'ai imaginé un enfant dont le frère jumeau est un mythomane schizophrène. Mais sa maman, elle croit toujours le mythomane, puis pas lui, tu sais. Fait que lui, tu sais, c'est comme... Lui, il raconte des niaiseries, moi, je dis la vérité, puis c'est elle qui croit. C'est ça va être tough à faire en hostie en chronique, ça. Ça doit... Oui, mais il y a une idée derrière ça que je sais pas développer parce que je manque de talent. Ah oui, celle-là, c'était... J'aime ça que « Je manque de temps » soit suivi de 2 secondes de silence, d'un « puis d'une seconde de silence. Mais j'ai pas dit « Je manque de temps », j'ai dit « Je manque de talent, de crotteuse. » Ah, t'es pas assez drôle. Des fois. celle-là, c'est pas pire parce que je me suis dit, tu sais, aux États-Unis, à un moment donné, avec le président, les guns pis tout... Ça va chier, il va y avoir une guerre civile qui s'en vient, quelque chose. Puis je me suis dit que ça serait le fun d'aller là-bas pendant qu'ils se tirent dessus, puis de leur faire à croire qu'ils sont en train de revivre le débarquement de Normandie. Puis moi, je suis là avec mon champagne puis mon accent français, puis je leur fais à croire qu'ils sont ces plages. De toute façon, ils sont pas bons en géométrie, fait qu'ils savent pas où ils sont. Ton accent français, tu viens de Val-d'Or. Hein? Tu viens de Val-d'Or. Ben oui, je viens de Val-d'Or. Avec un accent français? Ben, pour un Américain, là, il... Ah. Tu sais, il pense que t'es français, cette France, là. Les Américains sont... Baguette déjeuner. Ben, hey, Chopin, du coup, tu viens nous libérer! Ouais, non, je suis sûr, mais en tout cas, c'est... Avec ton celle-là aussi, celle-là aussi. Mais, en tout cas, ouais. Ouais. Faire rimer échalote et plotte, parce que, tu sais, je faisais beaucoup de rythme. Rime, ouais. Fais-moi donc un petit beat de tu sais, comme soirée du hockey, quelque chose, tu sais. Parce que j'ai eu une idée, pis c'était là-dessus que je plantais, alors. En direct, ce soir, du Centre culturel Saint-Donat. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, okay. Non, mais en tout cas, une autre idée que j'ai eue, c'était comme d'écrire une game de donjon. Mais qu'est-ce point... qui se passe? Je sais pas! Oui! Mais Bruno? Écoutez, écrire une game de donjon. Ouais, d'écrire une game de donjon, mais tu sais, du point de vue d'un analyste expert de hockey, tu sais, genre... 70%, tu sais. Ça peut être drôle, ça. Ça peut être... c'était ça mon idée que je voulais faire à soir, tu sais. Oui, quel jet de 17 au bon moment de la part du voleur qui passe pour quelqu'un d'utile pour la première fois de la quête. Alors, Tommy, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce soir un peu les personnages qui sont joués par qui exactement, les joueurs et leurs profils? Bien sûr, Étienne. Alors, on se souvient que la dernière partie, en avant-match, pour ceux qui n'étaient pas là lors de l'émission d'avant-match avec notre analyste conseil Didier Arméjuste, les joueurs avaient préparé leurs personnages. Alors, il y en a un qui a roulé un paladin, l'autre un gros barbare du nom de Crotal Coupe-Doigt. Et c'était ça l'idée. Ça, c'est pas pire. Ça demande... Ouais, celle-là, OK. Fait que je vais la préparer pour une prochaine fois. J'y crois. Puis ça va être... Ouais, ça va être... Ouais, ben, je te ma gueule. OK. Merci, Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. J'ai vraiment hâte à sa prochaine chronique. Je me demande qu'est-ce que ça va être. Ben, il nous a surpris souvent, par contre, avec ses associations. J'ai bien aimé qu'il a commencé sa chronique en disant qu'il n'a pas eu le temps de préparer telle chronique et que là, il nous amenait toutes les chroniques qu'il n'avait jamais eu le temps de préparer. Et moi, j'ajouterais que Étienne a quand même eu la modestie de dire qu'il manquait de talent, mais qu'il manquait de temps aussi, mais que la prochaine fois, il prendrait quand même le soin de travailler. Même s'il n'avait pas le talent. Sur son talent, ben, puis le temps qui reste. Oui, c'est vrai. Il a fait comme son pitch live. Oui. Ouais. J'aime ça. Mais c'est moi, il aurait espéré des réactions du public pour savoir qu'est-ce qui allait fonctionner, mais malheureusement... C'est comme pas avoir de couilles puis le montrer à tout le monde. C'est très drôle. Hey, let's go, Jocelyn. On passe au prochain. Merci, Étienne. C'est ça qui est ça. Mathieu, ben oui, Mathieu Boudreau, là. Il a l'air un petit peu en feu. J'ai encore rien dit, les gens applaudissent. Ah, c'est malade. Le monde savent. Je suis vraiment content, je vous le dis, un moment donné, je vais le faire, la voix, là. Tu vas faire ton « Les filles veulent juste avoir du fun ». Ouais, je vais faire « Les filles veulent juste avoir du fun » de Cindy Lopé. Une de mes chanteuses préférées. Te souviens-tu la fois que Marcel, Billy et son frère Rodrigo avaient redécoré la salle de quai de San Pablo Bay en musée français de la Révolution russe? T'étais-tu là quand Sœur Paquette a mis 255 abeilles albinos dans un sandwich à la moutarde pour le donner à la foire du village hollandais l'après-midi juste avant la mort du roi Henri? Non. Il est allergique aux mots. Les abeilles trop pour moi. Quoi? As-tu assisté à la première foire agricole de Saint-Pétersbourg? Tu sais, la nuit du 22 au 26, là, quand la lune était orange, mais quand tu la regardais de plus près, c'était orange en tabarnak. Bon, ben ta gueule. Juste arrête de me faire chier. Non, mais c'est parce que t'arrives. Pourquoi d'abord t'arrives, puis tu viens me voir avec tes clics puis tes claques en me parlant du grand renversement des ananas? Il n'y en aura pas de retraite pour les cas comme toi. OK? C'est ta femme. Il n'y en aura pas de redevance sur ce que t'accumules. Et anyway, c'est pas surprenant, hein? T'es avec Desjardins. Non, mais c'est vrai. Attends-toi pas un retour sur l'investissement, là. L'argent que t'as mis dans les spinners fidget, là, ben bouffe, hein, c'est disparu. Envolé, hein, comme les outardes, en V. Hein. Ou comme la vedette, là, l'autre V, là. Tu sais, la vedette, là, c'est là que tu te souviens juste quand t'ouvres un vieux 7 jours. Attention. Moi, l'idolâtrie, c'est un de mes sujets préférés. Hein. L'idolâtrie, la fin du monde puis la saucisse en canne. Y a-tu quelque chose de plus merveilleusement bon que la saucisse en canne? Oui, non, je sais, il y en a, là. C'est juste, je parle pour moi. Mais la question n'est pas là. La question est pourquoi on se laisse encore enfiropper dans des stratagèmes de magiciens à deux balles. Hein? Comme quoi le problème de la classe sardine du métro de Montréal est temporaire. Veux-tu bien m'expliquer comment je peux faire confiance à une entreprise publique qui se spécialise dans le transport en métro, mais qui, quand vient le temps de renouveler sa flotte de wagons de métro, achète des wagons de métro trop grands? What the fuck? STM, calme-toi. Tu passes ton temps à vérifier nos biais, mais quand vient le temps, par exemple, de vérifier tes propres calculs, attention que ton armée de faux policiers ne te sert plus à grand-chose. On sent clairement que le biais qu'on paye déjà cher est bien réinvesti. Hein. Mais c'est bon, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Juste, je veux savoir combien par biais je paye pour tes niaiseries. Tu fais partie du spectacle. Il n'y a pas de problème. Il reste plus rien! Nada, nothing at all, niet. L'argent perdu, l'enfance perdue comme toi, puis tes manières là, du 14e siècle. À un moment donné, ça va faire mettre ton manteau dans la boîte pas que la madame se salisse le bas de la robe dans le crottin de cheval. Toi, pendant ce temps-là, t'as l'air fait en esti à ton mariage avec le veston couvert de boîtes de fesses de cheval. Une chance pour toi que Justin Trudeau est en train de montrer à tout le monde comment débouler un escalier. Il est blanc dans esti, ton premier ministre, couvrir tes frasques. Parce qu'au fond, moi, là, j'en voulais pas d'enfant. J'étais bien tranquille avec mon quotient intellectuel d'un bord, ma job de chercheur de l'autre, jusqu'au fameux 23 septembre 2017, où je ne sais pas pourquoi je me suis installé cette extension-là. Puis là, j'ai commencé à me faire enlever par les extraterrestres. Hey! Une, deux, puis trois fois. C'était rendu le festival du toucher rectal intersidéral. La rencontre du troisième trou, est-ce-t-il. L'univers, qui pour la seule fois de son existence s'accorderait en une parfaite harmonie dans le seul et unique but de me mettre des doigts étrangers dedans le pet, c'était suspect. J'ai enquêté. J'ai trouvé la réponse à cette grande question. Pourquoi? Ah! Ouais, ouais, ouais. Ça, en fait, un jour, il va y avoir un macaron que tout ça va être écrit dessus. Ça. Tu vas pouvoir le lire. Pis, Moi, j'aimerais, avant qu'on continue, saluer la femme de Mario. Sonia. Qui l'appelle au téléphone pendant qu'il fait un show pour savoir il est où. C'est ça qui est arrivé c'est tantôt. C'est ça qui est arrivé. Sacré Sonia. Elle, elle a découvert que j'étais dans un bar. Ben là, t'étais où? Mais ben là, ce que j'ai fait pour me reconnaître, j'ai dit, je suis celui qui parle au téléphone sur scène. Ton mari. Elle n'a pas encore accepté ça. Elle vient-tu du Témiscamingue, elle aussi? C'est tout comme. Tout comme, OK. Elle vient de la Rive-Sud. Elle a fait le parc souvent. Hein. Moi puis Bruno, on aime ça parc. Parler du parc. Oui, le parc. Le... Ah, c'est bien le parc. Ben oui, hein, j'aime, ça, j'aime c'est... le parc. En fait, il ne faut pas qu'on aille se perdre dans les yeux du parc. Je pense qu'on va aller parler avec notre artiste de résidence. Sonia? Non, Sonia, Valérie, cette ah, fois-ci. Ah, Valérie, OK, excuse-moi. Ben oui, Valérie, qu'est-ce que tu es en train de nous pondre avec tes poignets? Ben, un ninja. Un ninja? Ben, c'est, j'ai écrit cette semaine, savoir si quelqu'un me donnait une idée. Puis la seule personne qui a répondu, c'est toi. Tu as écrit ninja. Fait que j'ai cherché des ninjas sur DeviantArt, ça me donnait juste de la porn. C'est bon. Puis finalement, j'ai décidé de faire porn, puis ça donnait juste des ninjas. Mais je ne niaise pas. Simon est témoin. Fait que finalement, c'est un ninja avec du linge. J'adore ça. J'adore ça. Écoute, ça va, oui. J'essaie d'imaginer du linge parce que ça a l'air que ça se trouve pas un ninja avec du linge sur Internet. On ne sait pas. C'est très particulier. Ah oui, parce que t'es allé sur... Mais comment tu sais que c'est un ninja non, s'il n'est pas bien ninja? Il me semble que c'est un assassin subtil. Il faut que ça soit évident. Mais je me suis dit, si tu veux être subtil, il faut que tu aies du noir sur le dos dans la nuit. Ah. Mais non, ça a l'air tout nu. Ça, c'est super subtil. Ah, j'aime ça. Ouais. Merci beaucoup, Valérie. C'est vraiment un plaisir. Son œuvre va être vendue à Langa tantôt. Et 100% des profits vont à elle. Voilà. Sinon, ben, ça va, Mario, toi? Ça va très bien. T'aimes ça, les ninjas? Je connais pas beaucoup ça, c'est pas une réalité que je connais moi, beaucoup. Moi, j'aimerais ça que t'écrives une toune sur un ninja à un moment donné. Oh. Je pense que ça fêterait. Il n'y a pas de ninja au Témiscamingue. Moi, je t'ai inspiré par le Témiscamingue. Ben, imagine un ninja au Témiscamingue, qu'est-ce qu'il ferait? Il pourrait s'entraîner à Chute de Fabre, aller au lac Honora nager. Ça devait être comme un Italien des années 20. Ah, drette ça. J'aime ça. On est en train de faire de quoi? Une collaboration, ça s'en vient. Oui, oui, on va écrire quelque chose. Ah oui, ah oui. Ben moi, les ninjas, ça me stimule. Toujours ouvert, beaucoup. Moi, à écrire des nouvelles affaires, avec des nouvelles idées, des nouvelles histoires. J'aime ça ton attitude. Puis d'ailleurs, dis à Jocelyn qu'on passe au prochain chroniqueur, on va avoir une nouvelle Jocelyn, histoire. Jocelyn, s'il vous plaît, musique. Allô, allô? On se pose des questions, c'est bien normal. À regardant des films bien spéciaux. J'ai pas des spéciaux, ça rime pas. Faire comme les tunes de Mario Pécha. Si t'aimes pas les jeunes, t'es pas à bonne place. Si c'est on n'a pas peur de perdre la face. Face au rejet, face au mépris. On se cache pas pour pleurer sous la pluie. De toute beauté. C'était toi qui chantais. C'est moi qui rappais. C'est-tu allô, la première fois que tu chantais? Non. Dans une toune? Dans une toune enregistrée? Ouais. OK, ben c'est un bon départ, pareil, avec Jocelyn Thérien. Écoute, c'est moi, j'ai une compagnie de disques. Hein. C'est déjà un hit, même si c'est pas ma toune, c'est votre toune. Ben, c'est notre toune. Moi, j'ai une compagnie de disques, là, si jamais tu... T'as aimé mon rap? Si tu veux faire carrière. Là. OK, parfait. Je me lance dans le rap demain matin. Je pense que je te fais une audition avec ma blonde tantôt plus tard. Là, puis good, parfait. C'est d'ailleurs le premier rap avec Mario Pelcha dedans. Je l'ai trouvé sur le fly en plus. Ben, juste de même. Là. Il y avait une t'as demande beaucoup de et talent. Tu étais l'offre. Écoute, exact. Ouais. J'avoue que name dropper Mario Pelcha, c'est badass. Tout le temps. Surtout genre Mario Pelcha, boum, drop de mic. Content de te revoir, Coralie. Moi aussi, tu nous parles de quoi? Hey, écoute, Tommy, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être ici parce que c'est un grand jour. Tu sais pourquoi? Tout le monde ici sait pourquoi aujourd'hui c'est un grand jour. C'est la fête de Gandhi. Ben non, parce que c'est la passation de pouvoir de gouverneur général. Confetti! Ouais! Elle m'avait amené deux poches de confettis. Je l'ai coupé tantôt. Écoute, je suis assez contente parce qu'aujourd'hui, Julie Payette est notre gouverneur général. Ah, sur ça, on l'applaudit, s'il vous plaît. Ouais, ça. En plus, c'est des confettis maison. C'est mieux que les Thibault à date. Là. C'est pas mal. Puis aussi, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on a une nouvelle Gigi, Governor General. C'est Madame l'astronaute Julie Payette, ou comme nos amis canadiens l'appellent, Julie Payette. Julie Payette. Julie Payette. Ça va être vraiment le fun pendant 5 ans d'entendre Julie Payette. Fait que, bref, hey, Julie Payette, représentante de la reine au Canada. Moi, ça me fait capoter que parmi toutes les Julie Payette du Québec, ça soit elle qui ait la job. C'est incroyable. Vraiment, là, bravo. Mais honnêtement, je suis contente que Julie Payette devienne Gigi parce que, tu sais, Julie Payette, c'est une grande femme, à peu près 5 pieds 8. Elle est astronaute, elle est frisée. Il n'y a pas de meilleure femme pour représenter la colonie. Là. En plus, elle est intelligente, en plus, ça lui paraît. OK, ouais. Non! Ouais. Non, mais en même temps, c'est un peu bizarre que Julie Payette représente la reine parce qu'elle a 2 fois plus d'éducation qu'elle. C'est comme si, pour représenter les Québécois au gouvernement, c'était juste des médecins puis des avocats. C'est un mauvais exemple. En tout cas, saviez-vous qu'il y a 10 ans, Julie Payette avait demandé au premier ministre d'être gouverneur général? Mais le premier ministre a répondu « Woup, woup, woup, ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Ah! » C'est vrai, ça? Je te jure. Hein? J'imagine tellement Stephen Harper. Mais il avait dit, je t'aurais choisi, qu'il avait dit. Oui, c'est ça. Je m'en souviens. Mais... Ouais, fait que c'est ça. J'étais vraiment contente de plugger cette joke-là. Si vous l'avez pas ri, vous pouvez réécouter le podcast tout à l'heure pour me faire plaisir. Mais je suis fâchée parce que même moi, j'avais appliqué pour le poste de gouverneur général. J'ai pas été prise. Je suis comme, pourtant, moi aussi, je suis capable de fermer ma gueule puis de sourire. Oh. Mais il n'y a pas de toune. Non, c'est ça. Ils ont pas. Coralie, t'es pas chiant. Non, c'est ça. Ils sont comme, ah, Coralie, comme le film. Ben non, c'est Coralie, une hostie. Comme le film, c'est même pas mon nom. C'est quoi? Non, pas comme le film. Bref, aujourd'hui, le rêve de Julie Payette s'est réalisé, de devenir le gouverneur général. Parce que oui, je pense que c'est son rêve. Malheureusement, j'ai été déçue que savoir que la cérémonie officielle ne se passait pas dans l'espace. Non. Le premier Big Bang dans l'espace, ça aurait été pas pire. Ça aurait été incroyable. On aurait pu vérifier comment réagit un trombone en apesanteur. La première signature officielle. Hey, les frisettes de Justin Trudeau dans l'espace. Oh, oh non, non, non, non, non. C'est toi qui as divisé le vote en plus, Tommy, pour qu'il rentre. Pour lui. Pour lui, pour c'est ça. Pour les frisettes. C'est là. Mais vous saviez que l'autre surnom de Julie, c'est... De Julie Payette. Bang Bang Gigi. Oh! C'est vrai, ça? J'entends. Moi, je pense que c'est vrai. J'entends ça sur les médias sociaux. J'ai déjà entendu. T'as-tu déjà entendu dire, Bruno, que... J'entends ça dans un podcast. Bang Bang, bang Gigi. Hein, j'adore ça. Oh my God! Ça va bien vieillir. Maintenant, je suis la plus grande fan de Julie Payette. Encore plus. Puis aussi, j'ai appris qu'aujourd'hui, malheureusement, dans sa cérémonie protocolaire, les filles ne pouvaient pas porter les robes qu'ils voulaient. T'sais, le rouge était interdit, le jaune était interdit, puis les paillettes étaient interdites. Les pas, paillettes! Les pas le droit de porter de paillettes pour Julie Payette. Pour vrai, là, comme ça va assez mal dans le monde, il aurait pu permettre un peu de frivolité. Ben, je pense, là. Anyway, et d'homonyme. Elle représente notre reine, qui est quelqu'un de très important pour tout le monde. Je pense qu'on peut laisser un petit peu aller. Là. Ben oui. C'est pas elle, la reine, elle la représente. Elle peut être accueillie via paillettes. C'est tellement important pour notre peuple qu'on en a fait un nom de famille. Ben oui, c'est ça, tu sais. En tout cas, ben moi, j'ai crié à la justice pour vrai. Il y a personne qui m'a écouté, mais... Puis aussi, aujourd'hui, elle va maintenant habiter à Rideau Hall, qui est la demeure officielle de la gouverneure générale. Puis là, je me suis dit, une chance qu'on ne prend pas automatiquement l'appart de la personne à qui on prend la job. Comme ça serait vraiment... Tu sais, moi, j'ai pris la job d'une vieille barmaid dans un schlaga qui se faisait battre. Je ne veux pas y aller. Bref. C'est même pas mal drôle. Julie Payette, elle a la chance d'aller à Rideau Hall. Ça, c'est à Ottawa, genre le Sussex, machin. Ouais, c'est ça. Puis ça paraît que c'est vraiment en anglais parce que Rideau Hall, c'est pas Rideau Hall. Ouais, ouais, ouais. Rideau Hall, on dirait un magasin de tapis à Sainte-Thérèse. Mais j'ai lu quand même dans le journal qu'elle battait son mari. Ben, elle l'avait battu une fois. Ouais, ben c'est... Une erreur est si vite pardonnée. Bref. Hey, faut pas qu'à un moment donné, mon milieu professionnel entende ça. Bref. Non, c'est ça. Je vais enchaîner. Personne n'écoute le show, anyway. Fait non, que c'est ça. Mais Julie Payette est officiellement passée de astronaute à représentante de la reine. Fait que représentante du savoir à représentante du système monarchique de droit divin. Ouais! Dans le fond, je comprends pas vraiment pourquoi elle a accepté de faire cette job-là. Moi, je me dis... Est-ce que y est-tu si poche que ça, le fonds de retraite des astronautes? C'est juste des boss jaloux, sont comme « Ben oui, bravo, t'es allé sur la Lune, v'là 5 piastres pis un globe terrestre. » En tout cas. Mais quand même, c'est un honneur. C'est très drôle. Quand même, tu dirais pas non à ça. Ben non, même c'est sûr. Tu nous as dit que tu l'as demandé. Ben oui, c'est ça. Mais non, mais je comprends. Puis en plus, Julie Payette, c'est la meilleure pour faire ça. T'sais, elle a du recul face au Canada. Elle a vu le big picture, tu sais. Ça fait 25 ans qu'elle habite aux États-Unis. Ah oh, ouais. Ouais. Ben, elle a vu le reste, là. Elle a vu les États-Unis. Pas grand-chose à nouer, mais tu sais... Depuis, je suis contente qu'on entend parler d'elle parce que tu sais, on n'entendait plus parler d'elle depuis qu'elle a juste voyagé dans l'espace là. Ben, ils ont renforcé la sécurité autour de Julie. Imagine-toi-tu, hein? C'est étonnant dans le monde dans lequel on vit. Mais j'ai appris que quand elle se faisait masser, il paraît que 3 gardes du corps qui attendent à la porte d'où elle se fait masser. Puis moi, je me demande, y ont-tu des petits peignoirs? Quand qu'il a, tu sais, genre 3 grands noirs musclés avec des petits peignoirs qui boit une tisane avec une trame sonore de chute d'eau. Ils viennent imberbes et huilés. Oui, c'est ça. En tout cas, je vais vous laisser sur cette image, puis longue vie à Julie Payette. Ah, bien dit. Merci beaucoup, Coralie Laperrière, mesdames, messieurs. T'es pas encore sur ton téléphone pendant le show, Mario, là? Ben non, mais c'est Sonia que... qui voulait te parler de non, dire quelque chose? Non, mais elle dit, quand est-ce que ça finit? Ah, ben, ça finit bientôt, Sonia. Prends ton mal en patience. C'est pas vrai, c'est pas elle. C'est pas vrai. Je sais pas, c'est. Je pense à une compagnie de finances. Ah! C'est une princesse nigérienne qui a l'air d'avoir un gros problème, là. Ben oui! Puis, sinon, comment ça se passe, ton 70% avec des popettes, avec un house band? Moi, j'en reviens pas. C'est, j'aurais dû venir ici avant ça. Je savais même pas, je savais pas que ça existait pour commencer. Quand, est-ce que tu te sens beaucoup coupable ou un peu coupable? Je me sens coupable de ne pas avoir... d'être un peu ignorant de ça. Travaille là-dessus, puis fais de la crème glacée avec ce sentiment-là. Fais-moi une sorte de crème glacée. Quelle sorte de crème glacée que ça donnerait? Un sorbet? J'aime ça. Merci beaucoup. Mario Peluso, mesdames, messieurs, créateur de sorbet et de Chris de bonne chanson. On va l'avoir live tantôt. Jocelyn, s'il te plaît. Je te peux dire, touche-toi. Ah, sacrement, t'es rentré sur la toune de Richard Z. Sirois. Tu sais, comment t'es? Pas de cue, moi. Alexandre Sarfati, mesdames, messieurs, t'es habillé en police chinoise ce soir? Moi, agent de sécurité, j'avais déjà porté celui de flic. Fait que... Mais je reste un peu dans le constabulaire. Garde ton micro collé sur ton menton, puis parle-nous hey, de cool. Ça. Dernière fois que tu nous as parlé, tu venais de sauver un noir dans la prison. Ouais, ouais, ouais. Et t'étais l'Américain, c'était le boss de la fin. Ouais, le... ce qui était détestable, c'était Chris-là. Puis, ouais, il y avait le pauvre petit Africain qui se faisait tripoter, mais juste avec les doigts, tu sais, parce qu'il n'avait jamais touché à ça ou vu ça, un noir. Fait qu'ils ont comme un peu abusé de lui, vu que je l'ai pris sous mon aile. Ben, ouais. Fait que, petite recap bien vite, la dernière fois, je vous avais parlé de l'arrestation. Une autre fois, je vous ai parlé du poste de police. La dernière fois, j'ai fini en arrivant en prison, puis c'est ça, je suis rentré dans la cellule pendant la sieste. Puis, sieste qu'il était obligé de faire. Puis, c'est là que j'ai réalisé qu'on avait 9 lits pour 16 personnes. Ce qui est quand même pas si pire, parce qu'il y en a 2 qui doivent rester debout puis regarder le monde dormir. Ils te donnent une belle petite casquette orange, là. Puis là, tu regardes dormir pendant la nuit, c'est 2 heures et 10 minutes. Puis là, tu regardes, puis... T'es debout, t'as rien d'autre à faire que de regarder des gars dormir. Là, pour être sûr que personne se suicide ou personne moi, mange. Moi, je me branlerais dans mes culottes, c'est sûr. C'est la seule affaire à faire. C'est rough. C'est rough. J'ai comme réussi à trafiquer mon cerveau pour faire passer le temps plus vite. Je comprends, tu tombais en phase theta. Exactement. Genre, ouais. À la fin, c'est du monde qui me brassait. Il disait, OK, ton 2 minutes est faite, va te coucher. Puis, fait que c'est ça, je suis rentré pendant la sieste, puis la première fois que tu rentres en prison, ça a l'air de rien, mais c'est super dur s'endormir quand on te dit dors. Fait que je suis comme... je suis resté réveillé, puis j'en ai comme profité pour regarder mon nouvel environnement pour les 10 prochains jours. Ah, je sais c'est quoi. C'est pas pire, parce que partout où on est tête au vide, pied vers le mur quand on dort, partout où un pied peut se rendre, t'as une trace de crasse de pied noir qui fait toute la moitié de la cellule, ce qui est assez peu hygiénique. Hein? Ça, c'est le premier truc de non-hygiène. Il va en avoir plusieurs. Oh, là, moi, ce que j'ai fait, c'est après ma douche, ça faisait 48 heures de poste de police que je faisais. Alors, j'ai décidé de me laver. Mais comme ils m'ont arrêté sans aucun argent, je pouvais pas m'acheter shampoing, pâte à dents, savon, tous ces trucs-là. C'était comme un gros non. Fait que j'ai été me laver en l'eau. Puis, à l'eau, pardon. Puis, en me lavant, il y en a un qui s'est déniaisé. Puis, il est rentré pendant que je me lavais pour aller chier. Puis là, c'est comme pas mal, comme tout dans la même place. Fait que là, il a spoté ma circoncision. Puis, en Chine, c'est pas un truc commun. Fait qu'il y a eu un line-up des 16 gars de la cellule qui sont passés. Mais le premier, tu sais, au moins, il a pris le temps de chier, faire croire qu'il venait pour une autre raison. Mais les autres sont passés un après l'autre, puis ils faisaient comme « Ah, ah! » Puis ils en allaient juste comme « Ah, mon... » Attends, c'est capoté, ça, là. T'as eu comme des Chinois à relais qui sont venus faire... Ouais, venez voir. Pendant que je me lavais, en là... En regardant ton scrotum... À la fin, j'ai quasiment comme été dans la pièce, puis... Ah, le scrotum, ça allait bien, c'est vraiment le manque de prépuce qui est... La carence à prépuce, qu'on dit. Vous êtes précis, les gars, vous autres? c'est vraiment très... Okay. Puis, qu'est-ce qui était un peu répugnant là-dedans, c'est que la salle de bain, si on peut appeler ça de même, c'est juste un mur vitré. T'as le trou des toilettes qui est sur une plateforme surélevée. Fait que c'est vraiment le eye contact. Moi, je me lave, toi, tu chies, puis c'est cool. Mais c'est un peu mal fait, parce que... S'il aurait fait la plateforme pour le trou de chiottes plus bas, ben l'eau des toilettes aurait comme toute lavé. Mais tandis que là, c'est qu'en lavant, on avait tout ce qu'il y avait autour des toilettes qui allait être dans la douche. Puis tout ce qui est dans la douche déborde dans la chambre. Ouais. Fait que ouais, là, on marche tout le temps dans les excréments. Puis, c'était cool. C'est-tu vrai, ça? Ouais, c'est très vrai, malheureusement. Une tronche de vie merdique. Puis, fait que c'est ça. Après cette douche-là, j'ai eu un projet, ça m'a occupé, j'ai bien aimé ça. Je cherchais des bouts de savon, parce que je puais. Fait que je fouillais en dessous des lits, je checkais partout dans la douche, je me trouvais des bouts de savon, ça m'a occupé pendant un bout. Pendant que j'étais couché et tout, je vous en avais parlé la dernière fois, l'horaire de la journée. Puis j'ai trippé en voyant ça, j'étais comme, ah, c'est cool, on va t'occuper, tu sais, ils nous font travailler, ils nous font faire du sport dehors. Puis finalement, tout ça avait été remplacé par s'asseoir. Ouais, fait que les petits tabourets, c'est à peu près un pied et demi de haut, puis on passait entre 14 à 15 heures par jour à se déformer le cul là-dessus. Rock'n'roll! Ah ouais! Puis ils nous mettaient des trucs à TV, comment être un bon prisonnier, puis comment être un bon citoyen, puis tout, comment faire bien son lit, puis yeah, c'était vraiment cool. Ils nous disaient aussi de pas de vendre de drogue aux bébés, on avait un truc qui passait tout le temps, c'était vraiment cool. Fallait pas que tu vendes de drogue aux bébés. Ah, ça passe mal en Chine. Fallait pas que tu prennes l'argent des bébés puis que tu leur donnes de la drogue. Si j'ai compris ce qu'ils jouaient à TV, c'est ce qu'ils ont essayé de me dire. Mais la drogue rend les bébés super bons en skateboard, c'est comme la thématique là, les bébés qui voulaient de la drogue pour faire du skate. Puis, je veux voir ces clips là. Je pourrais chercher pour de vrai. Sinon, un truc que j'ai vraiment aimé là-bas, c'est la bouffe. Je suis quand même un amateur de bouffe spéciale. Fait que le trippant là-dedans, c'est que tu as deux portes dans ta cellule, une grosse en métal, puis une autre avec des barreaux, puis un petit carré. Un petit carré avec rien, puis ce petit carré-là, c'est fait pour mettre le bec verseur qui va vider ta bouillie de légumes. Fait que t'as un gars qui arrive avec une grosse chaudière pour les 16, 18, 20 personnes, dépendamment de comment qu'on est. Puis de vide ça là-dedans, ça sonne comme une randonnée à bottes d'eau dans un swamp, là, c'est... Puis il y avait 2-3 fois, on a eu la chance d'avoir du riz. Puis c'était vraiment trippant, parce que pour avoir le riz, vu qu'ils pouvaient pas le faire couler de même, ils nous mettaient une chaudière devant la porte en barreau. Fait que t'avais un gars qui passait un bol à l'extérieur. T'avais un deuxième gars qui se tenait la porte, le bras, pardon, entre les barreaux. Il ramassait du riz, il donnait le bol au gars au de lui, qu'il vidait dans notre gros bol, puis c'était à la chaîne comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais, ouais. Sinon et tout, à tous les repas, il y avait des pains vapeur. C'est un truc qui mange beaucoup en Chine, c'est dégueulasse, ça goûte à rien. Une pâte blanche, et puis j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, un gros plat rempli de patates râpées crues qui ont mariné dans l'eau salée pendant je sais pas combien de temps, mais c'est juste de la patate crue puis du sel. Là, tu manges ça puis tu te ravales la face. C'est il y avait ça tous les repas, je l'ai essayé, là, c'est pas bon, mais... Puis et tout, le fait qu'il m'ait arrêté sans argent, parce que j'ai pas prévu, j'ai pas été au guichet avant de me faire arrêter, je pouvais pas m'acheter tout ce que je vous ai dit, dont le papier cul. Puis là, vu que j'avais pas... Il fallait que tu payes ton bras pour que je paye mon PQ. Puis le monde m'offrait souvent de la bouffe, parce que je voulais pas manger, parce que j'avais pas de papier cul, hein, j'ai... Par contre, je me suis dit, si je mange pas, j'en ai pas besoin. T'es dans le contrôle de ton château, oui, je comprends. 7 jours sans jamais aller à la salle de bain. C'est fou, hein, comme ma raie, le rectum, tout ça, ça a comme presque cicatrisé au bout d'une semaine. Puis là, ça a réouvert depuis le temps. Mais ouais, 7 jours sans jamais me vider. C'est de l'expérience, pour vrai? C'est arrivé non, je suis rentré en communion avec mon corps. J'ai appris le jeûne. Il y a vraiment des trucs... cool avec ben, le jeûne. À force de regarder des pieds de gars qui dorment. Ah, ils ont tous des champignons ouais. Sur les pieds. Ça, c'est super bizarre. Toute la gang, c'était vraiment bizarre. Puis, une fois, on a eu des œufs durs. Ça a été trippant avec parce que lui, ça, le gars apprend qu'on va avoir des œufs durs. On sort jamais de la cellule. Hein. Jamais ça arrive. Fait que là, il est comme... Il me fait signe 21. Ça veut dire qu'il va dire qu'on est 21 dans la cellule. Puis cette journée-là, on est à peu près 14. Fait qu'ils nous ont donné des œufs pour 21 personnes. T'sais. Le luxe! Là, c'était fou. On cachait ça en dessous des matelas, man. Le king de la wing, lui, il en avait plein. Puis quand t'étais gentil, t'en pitchais un. Pitchais un petit œuf, là. Vraiment cool. Puis servir le riz, je t'expliquais comment l'avoir dans la cellule. Mais là, on n'a pas d'ustensile. Nous autres, on a juste notre petit plat personnel. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un sac de nouilles ramen. Ils enlèvent tout son contenu, ils se font un gant avec, puis là, ils te font tous tes plats de riz. Ça, c'était... Ouais, c'était cool. C'était... Sinon, la pâte à dents. La pâte à dents, c'est un truc exceptionnel en prison en Chine. On s'en sert pour garder contact avec les gens. Fait que ce que tu fais, c'est que tu défais toute ta petite boîte de pâte à dents, puis là, tu t'abeurres tout avec la dite pâte à dents. Tu laisses ça sécher, puis tu peux gratter ça avec le cul de ta brosse à dents. Puis là, tu peux laisser adresse email, numéro de téléphone, puis tout. Puis sinon, le deuxième truc, souvent, quand le monde s'en va, ils sont comme heureux. Puis ça fait monter leur côté artistique. Puis ils se mettent à faire de la décoration en pâte à dents. Fait qu'il y avait toute la porte de notre cellule. Nous autres, il y avait des frioritures autour en grosse pâte à dents. Ils coloriaient leur graffiti. On grattait la peinture sur les murs de la cellule pour faire des dessins. Eux autres, ils coloriaient ça. Puis tout, c'était quand même pas pire. Puis sinon, je vous l'ai dit, 14-15 ans. Tu peux t'en garder pour la prochaine fois aussi. Ouais, ouais, je pense que mais Noé... C'était bien juste comme 2 billets de bière, là, je vais pas exagérer non plus. All right, Alex. Hey, toujours un plaisir. Alexandre Sarfati, notre juif de service, mesdames, messieurs. Power to the Jew, arrêtez la souffrance. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, ben oui. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Penses-tu que les Amérindiens, c'est nos juifs en Abitibi? Il n'y a pas de bonne réponse. Non. T'as pas été dodgé, Mario. Je pense qu'on continue encore. Ça va bien, toi? Moi, ça va super bien. On a-tu des updates de Sonia là-bas? Ça va ben, bien? Je pense qu'elle essaie de le contacter. Là. Est-ce que tu veux venir sur scène? Est-ce que tu as quelque chose à dire à ton mari? Non, OK, c'est bon. Elle fait non de la main, fait que ça veut dire ça qu'elle pense oui. Tout va bien. Je pense que oui. Non. Elle veut absolument pas dire ça. Jean-Soin, s'il te plaît, on passe au prochain. Aïe, aïe, aïe. Je savais qu'il fallait pas que je passe après lui. Non, mais il faut qu'il y ait un pacing dans un show, tu comprends? Ben, nous autres, on sait pas c'est quoi les ouais, les règles. On aime mieux garder notre grosse vedette à la fin, tu sais. Ouais. Grosse vedette, ouais. Tout à fait, j'ai engraissé beaucoup. Non, mais je continue à venir ici le lundi. Je continue à venir ici le lundi parce qu'un jour, je vais comprendre ce qui se passe. C'est-tu la première fois, Mario? C'est-tu Guilla, ça? La première fois que tu viens... C'est très bon. Oui, c'est moi. C'est-tu la première fois que tu viens ici? Tu t'es coupé à moustache. Oui. Okay. Putain, ben, là, ça fait 25 ans de ça. OK. Parce que t'as manqué un bout. Ben, fois, Mario fait du folk aussi. Non, non. Non, mais je vais annuler ma chronique. Je blaguais, là. Ah, j'essaie de faire de l'humour, moi aussi, là. Mais toi, c'est la première fois que tu viens ici? Oui. Si tu trouves que c'est vraiment fucké, bizarre, là, ben, c'est ça. C'est de sa faute! C'est de sa faute! Mais c'est le même comme ça à tous les jours dans ma tête, fait que... Ah, OK. Parce que moi, je continue à venir parce que je me dis qu'un jour, je vais comprendre comme quand il y a eu les chroniqueurs tantôt, je voudrais avoir leurs textes. Ils ont-tu des textes? Les réviser un peu. Pas tout le temps. Non, mais c'est parce que si tu je peux... Je pense pas qu'Étienne n'a pas un texte. Non. Quand tu relis, tu peux comprendre. Tu comprends? Moi, je comprends pas parce que quand j'arrive ici, je me dis, OK, ça va être... Tout le monde a pris de la drogue sauf moi ou personne n'a pris de la drogue sauf moi. Mon film préféré à vie, c'est The Shining. J'essaie de comprendre. Un jour, je vais décoder ce film-là. Je vais être le premier sur Terre à l'avoir compris et à le décoder. Ça, c'est ma première mission. La deuxième, c'est de comprendre ce qui se passe ici à tous les lundis soirs. C'est vrai qu'on est très Stanley Kubrick. Hein? Y a beaucoup de gens qui collectionnent dans la vie. Moi, je collectionne les statistiques inutiles. Parce qu'à un moment donné, ben, c'est ça. Je savais pas quoi faire de ma vie. Puis par exemple, j'ai collectionné tous les Reader's Digest qui avaient été faits en français. Il m'en manquait pas un, j'en avais 500-600. Puis je n'ai jamais ouvert un, mais je les avais toutes. Je m'étais donné comme mission de collectionner tous les Reader's Digest du monde en français. Pas ouvert. Je commence à être dans ta gang, là. Ben, ça fait longtemps que tu es dans ma gang, mais là, tu m'as jamais autant fait pas ouvert. Peur. Ben, depuis que tu m'as donné les autographes des jumelles Shining, on est des amis. Oh, merci. Les jumelles Shining. Non, mais je collectionne les statistiques inutiles, mais vraies. Fait que tout ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, c'est vrai, mais c'est pas utile. On commence? Quand t'en auras assez, tu me le dis. On est là. Je vais faire comme l'autre, je vais en garder pour la semaine prochaine. J'adore ça. J'ai compté, dans le film Pulp Fiction, on peut entendre 257 fois le mot « fuck ». C'est vrai. Et la première fois que je l'ai écouté pour compter, ma fille a dit « Papa, je pense que je vais être malade. » Fuck! Faut que je recommence. Une personne ici, une personne sur 8 ce soir va manger dans un McDo demain. Ah non, c'est vrai. Prouvez. En permanence sur Terre, il y a 1% de la population qui est en état d'ébriété. Mais un adulte sur 4 n'a jamais dépassé 0.08. Et les trois autres fuck sont ici. Cet adulte-là. Les calices de bouddhistes. À chaque jour aux États-Unis, il y a 1 500 000 personnes qui regardent la télé tout nu. 80% de votre cerveau est composé d'eau. Ça, on le sait, hein, Tommy? Seulement 5% des femmes considèrent qu'un speedo, c'est sexy. C'est un peu décevant. Les gars, dans votre vie, vous allez produire assez de spermatozoïdes pour avoir 1,644,000,000 d'enfants. On lâche pas. La prochaine est vraie, mais est assez troublante. 16% des femmes auraient souhaité que leur mari dise non le jour de leur mariage. Et tout ce que je vous raconte ici ce soir est vrai. Je collectionne les vraies affaires inutiles. La partie du corps de l'homme qui le préoccupe le plus quant à sa longueur et sa grosseur, son nez. C'est pas vrai, ça. Oui, c'est vrai. Ben non. Ben oui. Ben non. S'il y en a 90% qui sont sûrs d'en avoir une grosse, ils sont pas inquiets. Faut le voir comme ça. J'aime comment tu... OK, c'est bon. À chaque année aux États-Unis, il y a 8000 personnes qui se rendent à l'urgence de l'hôpital pour une blessure causée par un cure-dent. 22% des femmes adultes parlent à leur mère à chaque jour. Quelle femme ici ou fille parle à sa mère à chaque jour? Come on, non. Faut pas être gêné, c'est correct. Ben, ça a peut-être changé aussi. Une bonne relation avec ta mère, ça te rend plus fort comme être humain, c'est sûr et certain. Une musicale maintenant. Il existe plus de 2000 versions différentes de la chanson Yesterday des Beatles sur disque. Arc. Oui, c'est vrai. Plus de 2000. Il y a une compagnie d'assurance dentaire américaine qui s'appelle Delta Dental. Ils ont calculé le montant que la fée des dents laisse sous les oreillers quand les enfants perdent une dent. La réponse, $2.42. 42? Ben, c'est que le montant le plus souvent donné, c'est 1$. Mais comme il y en a qui donnent 5, ben. C'est ça. 2.42. On a une moyenne. 56% des étudiants des collèges américains vont refuser un emploi plus tard s'ils n'ont pas le droit de consulter Twitter, Facebook ou YouTube durant leur horaire de travail. On est rendu là. Les millennials! On est rendu là. Moi, mon père me souvient à l'usine, il checkait tout le temps la TV. 43% des hommes trouvent sexy une femme qui expose l'arrière de son cou. M'en juste 3. 56% des hommes mariés ont déjà imaginé coucher avec une femme qui travaille au même endroit qu'eux, contre seulement 21% des femmes. C'est dans la voiture que 40% des couples ont leurs conversations les plus sérieuses. Raison principale, moins de distractions. Pour 20% des couples, l'essentiel de leurs échanges se fait par message, texte, email ou Facebook. Millennials sans gars. C'est ça, les maudits millennials dans la marge. J'en ai un. T'en as deux, trois. Ils fuck tout. J'aime pas les mêmes affaires que nous autres. Ouais. Non, mais ça marche pas, les millennials. Regarde, moins de ventes de voitures. Ils en veulent plus des autos. Vélo, puis transport en commun, partage. Arc. Airbnb, Uber. Ah, oui. Les hôtels ont de la misère. Airbnb. Écoute, il y a 4000 apparts à Montréal. Même juste sur le plateau, je pense qu'ils sont... Ils jouent plus au golf. Ils jouent plus au quai. Les salles de quai ferment. Il n'y a plus de ciné-parc. Les terrains de golf, c'est jouer au frisbee. C'est ça, le changement! Non, c'est ça. Partout, ça change tout. Hey, quand j'étais jeune, moi, on avait tout ça. Même les buffets ouvrent à 8 heures à cette quand heure. J'étais jeune, on avait tout ça. Et ben, finalement, 26% des gens ont déjà eu des relations sexuelles complètes dans leur véhicule. Mais il n'y en aura plus parce que les gens n'y en veulent pas de tôt. Ils vont faire ça dans le métro, aussi. C'est tout. Merci. Merci, Richard. C'est un plaisir à chaque fois. Richard Zatirois, mesdames, messieurs. Richard, c'est un vrai professionnel. Son texte, ça détenu au texte. Ah, il est incroyable. Mais là, vous savez qu'on est rendu avec les millennials. Ils n'aiment plus le fast-food. Fait que on est dans la pire époque pour McDonald's. On est les McDonald's commencent à fermer des restaurants en ce moment, ce qui n'était jamais arrivé avant. Il y en a qui ont été fermés parce qu'il n'y avait pas de main d'œuvre aussi. Ouais. Mais là, s'ils payent un salaire décent, payer un salaire décent. Là, ce sur quoi ils comptent, c'est la légalisation du cannabis en fait pour remonter leur chiffre d'affaires. Je vois où tu t'en vas. Non, mais pour vrai là. Ben je le vois. Les actions de McDonald's vont augmenter quand le cannabis va être légalisé. C'est clair. Parce que nous, les valeurs deviennent un petit peu plus abstraites. Exactement. Toi, Mario, est-ce que tu es un consommateur de McDonald's ou pot? Pot. Est-ce que tu es un consommateur de Justin Trudeau? J'en faisais pousser, mais là... OK, c'est bon. j'en consomme pas. Non. Pourtant, les poètes du Témiscamingue... J'ai rendu un certain âge, puis maintenant, c'est... Combiner l'alcool, la drogue... Ça me... T'as choisi ton vice, puis c'est le foie qui va payer pour les poumons. On choisit. Ben oui. La vie, c'est bien. La vie, parce c'est une conséquence de plein choix et tout. Là. C'est vrai. Bon, fais-moi un câlin, Mario. Fais-moi un câlin. Ça me fait plaisir d'être un câlin. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. C'est très agréable, honnêtement. Ça va pas. M'attendais pas, pire, pas hein? à ça, puis. Ben oui, il y a du monde. Il y a des filles. Il y a des filles. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de public. Parle-moi de ton spectacle, d'ailleurs, qui s'en vient bientôt. Ben non, mais parle-moi de ton vas-y, spectacle. Vas-y, plug-toi. Plug-toi. T'as un spectacle en fin de semaine. Ah oui, en fin de semaine, pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison à Saint-Sauveur ou dans le Nord. Mais ça va être une matante pour moi, je pense. Mais je fais un spectacle au. Ça s'appelle les vieilles portes. OK. à Saint-Sauveur, et voilà, et voilà. Ça vient de réouvrir, c'est un ami à moi qui a ouvert ce bar. C'est avec ta nouvelle gang, les Hobo Hurleurs. C'est avec les Hobo Hurleurs qu'on va présenter notre spectacle, le dernier spectacle qu'on fait, qui s'appelle Mario Belzou et les Hobo Hurleurs, le spectacle s'appelle comme ça, The Never Ending Tour. Puis si on veut se tenir au courant de la pelousosphère, mettons, il faut s'abonner sur Facebook, est-ce que t'es beaucoup... Ouais, c'est ça. Fait, allez vous c'est abonner sûr. À son Facebook, allez, vous ne ferez pas chaler souvent. Moi, abonnez-vous à son fan club. Ouais, vous allez recevoir la carte de membre par la poste. Oui, avec tous mes albums. Tous les albums. ceux qui me restent. Non, non. Leave Mario Peluso alone. Non, mais de quoi qu'on... Qu'est-ce qu'on disait? Ben là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du monde à ton show samedi qui vient aux Vieilles Portes. Aux Vieilles Portes, le 7 octobre à 21h30. On fait un spectacle incroyable. On va même aussi rendre hommage. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un de mes idoles, moi, personnel, qui est décédé aujourd'hui. Tom Petty. Ah, il est mort aujourd'hui? Puis je voudrais que... Non, il est mort. Qui fait? Ah, non, il est mort. Non, il est mort. Il est mort. Attends, il y a du monde qui dit ce qui paraît. Non, là. Oui, il est mort. News? Ben là, il est mort. Non, il est mort. C'est sûr, il est mort. Vous confirmez qu'il est mort. Anyway, tu vas faire un show pareil. Et là, je voudrais qu'on fasse chacun, tout le monde ici. And I'm free. Oh, let's go. Free falling. Ah, non, une fois. And I'm free. Free falling. Rest in peace, Tom Petty. Il a fait de la crise de bonne musique. Mario Peluso, la fille dans ce clip-là, je pense, c'est une des premières vraies personnes, parce que je trippais sur Betty depuis longtemps. Là, mais Betty qui? Betty dans Archie. Oh! C'est sûr, c'est la plus cochonne. Tu vois, moi, je trippais sur Betty. La première vraie personne que j'ai vue en fiction ou ailleurs, je te dirais, c'est... pas Patricia Cass, là, l'autre, Farmer, Mylène Farmer dans Sans Contrefaçon et la fille dans le clip de Free Fallin. Je pense que c'est la blonde à Neil Young maintenant. Ouais, en tout cas, c'est super important ce que je viens de dire. S'il y a quelqu'un qui fait ma bio à un moment donné, Jocelyn, s'il te plaît, on s'en va à la fin du show. Pas encore. Bonsoir. Je trouvais ça fit avec la musique. Ça va bien, le brouhaha? Hey, je m'en viens vous parler, reparler de jeux vidéo. Ça faisait une couple de fois que je parlais pas de ça. Je m'en fais, je ben, que t'étais même pas là les j'étais soirs. Même pas là les soirs que tu nous envoyais des céréales puis des kilos. Ouais, je sais, ils m'ont kidnappé. J'ai pas eu le choix vraiment. Fait que, ben, je vais vous parler de jeux vidéo. En fait, on va parler de consoles portables aujourd'hui. Oh. Mais on va s'en tenir aux années 90. Parce que c'était l'année des add-ons sur les portables. Fait que, on va commencer à dire, je vais ouvrir mon texte. Il n'était pas encore prêt. Parce que je suis jamais prêt pour mes chroniques. C'est le même. Je suis tellement occupé ailleurs. On va commencer par le premier. Hein, toute cette histoire-là que je vais vous conter, c'est... Au départ des jeux portables avec les jeux interchangeables. On parle pas des Tiger Games et puis shit de c'est même. C'est ça, là. C'est pas on comme la petite chance. Console que t'as acheté. Ben c'est ça. Ça a commencé à 89 avec le légendaire Game Boy, et c'est voilà, sûr. Ben oui. Puis, tu veux prendre une photo? Mais je pense que tout le monde a vu ça, un Game Boy. Mais c'est pas grave. Prends une photo. OK, c'est bon. Je sais pas s'il y en a qui le sait, mais le Game Boy... a été actif. En fait, il y a des jeux qui sont sortis pour le Game Boy jusqu'en 2002. Jusqu'en 2002, de 89 à 2002, ça, c'est 13 ans de temps à te plisser les yeux puis à jouer sur des jeux sur un fond vert vomi, tu sais. Ah oui. Puis à espérer qu'il y a on était courageux. De rue, là, ben exactement. Après ça, ben, hein, Sega contre-attaque avec la Game Gear. Ah, la Super Game Gear. Hein? Seulement 6 batteries pour aller faire chier tes chums dans le parc pendant deux heures max. Ouais. Mais je pense qu'il y avait un deal avec les gars de batterie parce que c'est pas des jokes, c'est une histoire vraie. Ça ici, là, je l'ai gagné avec un concours énergisaire. À l'époque, tu veux dire? Ouais, c'est ça. À l'époque, je l'ai gagné avec un concours énergiseur. Je pense qu'il y avait un deal. Parce que, ben, 6 batteries, 2 heures, je veux dire, oui, il y a un deal. Je pense que oui, tu sais. Mais ils ont sorti, tu sais, après ça, ben là, regarde, Nintendo, encore dit, bon, Began, nous autres, on contre-attaque. La Game Boy Color, c'est ça, sûr, en 98. pas rétroéclairé. Ah ouais. Non, ben, c'était pas. C'était encore. Bon, OK. Ah, il y a de la lumière ici. Attends. Ici, attends. On va mettre en dessous de la lumière. Attends. Puis là, ils vendaient des petites lumières pour aller avec ça. Puis ça. Ça a été. Même la première Game Boy Advance, on s'entend, il était pas rétroéclairé. Hey! C'était encore pire que la première Game Boy Advance. What the fuck, Nintendo? Non, mais c'est ça. Oh, c'était oui. Pour une économie de batterie ou je sais pas trop quoi. Mais bon. Fait qu'on va parler à peu près de ces trois-là. Puis je veux vous parler des accessoires qu'il y a eu avec ça. C'est des fois c'est inquiétant. C'est vrai. Je vais commencer avec la Game Gear, mais Game Gear, c'est pas pire. Il y a eu le classique TV Tuner. Tu pouvais écouter ta TV sur ta Game Gear. Pendant 2 heures. C'était chic. Tu te promenais avec une antenne ça, de longue dans le bus. Écouter mon émission, ça avec de la neige puis tout. Fait que c'est pas pire. Puis là, on avait le trouble des batteries. Fait que ces gars ont dit bon ben gang, on va sortir un battery pack. Ben oui. C'est une affaire à peu près ça de long. Tu mets ça dans la poche en arrière, ça dépasse. Il y a des fils pour aller plugger ça là-dedans. T'as l'air d'un câble. Fait qu'il y a d'autres compagnies third party que eux autres se sont dit, ben gars, nous autres, on va faire ça built-in. J'en ai un ici. Tu sais comment c'est lettre. Puis, quand je vais le mettre dessus man. Juste pour te montrer comment c'est super confortable jouer avec ça. Après, on enlève les tu deux. Peux skipper ton gym. Où est-ce qu'on met les batteries normalement? On va venir poser ça comme ça. Puis, on va clipper ça. Je vais mettre proche du micro juste pour les gens à la maison. Ça clippe pas. C'est supposé de clipper là, OK? Regarde, ça marche même pas comme du monde. Bon, il a clippé. En tout cas, check la massue que ça te fait. Quelle compagnie, ça? J'ai des grandes mains, là, quand même, puis j'imagine des mains d'enfants là-dessus. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Puis il y en a sorti, des packs de batteries, des compagnies en ont sorti, puis ça. Fait que, ben Game Gear se sont tenus quand même... Ces gars, c'est nu quand même tranquille avec la Game Gear comparé à toutes les autres consoles puis les add-ons sur les autres consoles. Je me rappelle, tu nous avais amené la Sega CD. L'espèce de spaceship qu'il faut. Bon, ben c'est ça. Bon, je suis en train de casser mes affaires. Ça va bien. Et là, Nintendo, lui, c'est quand même assez impressionnant hein, parce que là, on voulait un écran plus gros que celui qu'on nous fournit sur la. Puis on voulait de la lumière parce que là, jouer le soir, c'est impossible là, à moins d'avoir ta petite lumière au-dessus. Fait qu'ils ont sorti des lampes. Pour grossir l'écran. Ils ont sorti des speakers pour avoir un plus gros son parce qu'on sait bien qu'un son tu le veux plus fort, tu sais, c'est sûr. Ça, tu veux arranger tout le monde autour de toi. C'est la seule chose que tu veux dans la vie. T'sais. Ton volume 4 bits, faut que exactement, ça fasse. Exactement, c'est ça, tu sais. Puis il y a eu un booster. Oui, le booster boy qui était une espèce de d'amanchure justement avec des speakers, mais ça venait, tu sais, déjà, on s'entend c'est une brique, tu sais. Mais ça venait ça de large, ça d'eau, puis il rajoutait des joysticks. C'est laid, là. Faites une recherche là-dessus, ça vaut à peine quand même. Booster Boy, je me rappelle, je pense qu'on avait eu un. Un peu comme la Sega, ils ont eu un ouais. Mais je pense que, ouais, c'est quand même comparant. Ouais. Élise, elle a amené Booster Boy. Ouais, le Game Gear, je pense que c'est plus brique, hein. On va tester, ouais. Ah, ouais. Ah oui, on est... C'est ça, la brique, c'est la même affaire, Là, je sais même plus où c'est genre... Ah oui, c'est ça, le Game Gear a eu son TV Tuner. Mais le Game Boy a décidé de sortir de quoi? Il a sorti un AM/FM tuner. Loser! AM/FM, qu'est-ce que je fais? Même moi, ça me fait rire, c'est ce que je te dis. Sortir des add-ons. Après ça, on a. Il y a le Game Boy, la caméra Game Boy avec l'imprinter. Un petit hint ici, et je m'en cherche une. Juste de même, je dis ça à tout le monde. T'en as une? Es-tu à vendre? Ta caméra, es-tu à vendre? On va s'en reparler. C'est bon, ça. Puis, il y a quand même... Là, on rentre dans le bizarre un peu. Là. Le monde disait, « Oh, il n'y a pas eu tant d'add-ons que ça. » J'entends ça, « Il n'y a pas eu tant d'add-ons que ça. » Non, mais il y a eu des affaires bizarres. Regarde. Senior a sorti de la compagnie Senior, là, des machines à coudes. Okay, a sorti un add-on qui est une machine à coudes okay, pour faire de la broderie. Fait que tu plugues ton Game Boy dans ta petite machine à coudes, puis ça fait une broderie. Puis, il y a un jeu officiel, Mario, qui est sorti pour ça, qui s'appelle... qui s'appelle Mario Family, puis tu pouvais broder des personnages de Nintendo sur des chandails. Hostie que je le veux pour de vrai. Le personnage le plus versatile de l'histoire du jeu vidéo. C'est clair que je le veux, c'est sûr. Après ça, ben, tu sais, on en vend des Game Boy, mais on n'en vend pas assez, ça a l'air, fait qu'on va aller chercher les pêcheurs. Il y a un sonore à poisson, puis c'est un vrai, là, je veux dire, c'est pour ça, là. C'est un vrai sonore à poisson que tu branches dans ta Game Boy. Oui, le silence, c'est ça que je m'attendais, c'est exactement ça. Exactement. Mais c'est comme les apps avant les apps, tu sais, que t'avais besoin de hardware. Comme, exactement, c'est comme le prix. Il y a même un add-on pour un cellulaire, mais là, on s'entend les cellulaires de ce temps-là, là, qui avait des jeux online. What the fuck? Moi, j'ai jamais entendu parler de jeux online. Il ne veut pas avoir grand monde là-dessus, mais ça existait, des jeux online à partir de ton cellulaire. Puis je vais finir avec cet accessoire-là qui est inquiétant, tant qu'à moi. OK, ça s'appelle le Pédicédate. OK? Ça ressemble, c'est une paire d'écouteurs. On met une paire d'écouteurs. Puis là, ici en avant, il y a une espèce de masque qu'on se met en face. Puis ça, c'était pour les médecins. OK? Puis ils donnaient ça aux enfants. Puis là, les enfants, aux États-Unis, pas ici, les enfants jouaient à un jeu. Puis là, t'as du gaz hilarant. Puis c'est pas des jokes, c'est vrai. Il y a du gaz hilarant qui s'en va dans le nez, puis tout ça pour, après ça, les anesthésier. Là, quand tu réussis un stage, mettons, ils t'envoient une dose de NO2. Je sais pas comment ça marche, là, mais la machine est weird, puis j'en veux un, pour de vrai. Je veux trouver ça. Ben oui, c'est associé à des scalpels qui vont dans des enfants. Ben oui, on pourrait faire des genres de jeux multisensoriels avec ça, assez bizarre, puis tout ça. En tout cas, je voulais... j'ai commencé à chercher là-dessus, justement, puis je me suis... Ouais, c'est ça. Je me pour suis moi, on surpris, va avoir un volume 2 de ça, moi, je pense. Oui, oui, oui. Je suis la recherche de ça, en fait. Fait que si vous croisez un Pédicédate, c'est l'homme de la situation. I'm your man. Merci beaucoup. Alex Larocque, mesdames, messieurs. Let's go, Jocelyn, on s'en va tout de suite au dernier. Levante Ellington, Travis Baker, Maurice Robertson et Jackies Williams avaient un plan. Les quatre prisonniers du centre correctionnel du comté de Holmes Humphreys étaient dans l'état du Mississippi. Ils ont réussi à sauter par-dessus la clôture et à se sauver de la prison. Enfin libres, les hommes se sont dirigés vers le magasin général non loin de la prison et sont entrés pour y voler des cigarettes, briquets, téléphones et autres items que l'on trouve rarement en prison pour ensuite retourner dans la dite prison comme si de rien n'était. Malheureusement pour eux, les vidéos de surveillance du magasin ont permis d'identifier les hommes qui font face à des accusations de vol commercial. Liberté! Au moins, t'as dit qu'il y avait un plan en commençant. Oui, il y avait un plan. Un homme de Milton en Floride qui venait de perdre la garde de ses enfants a décidé de prendre les choses en main. Alan McCarthy, 35 ans, a appelé le 911 affirmant qu'il était armé devant le tribunal et demandait à ce que la juge qui lui a retiré la garde de ses enfants sorte afin qu'il puisse l'exécuter, demandant également que ses enfants lui soient livrés. L'homme a été arrêté après que son appel ait été retracé. Il s'est aussi identifié au téléphone. Il fait face à une pléthore d'accusations. C'est vrai, ça? Oui. La branche russe de la chaîne Burger King a porté plainte à l'office anti-monopole du pays demandant à ce que le film It soit retiré des cinémas parce que le personnage de Pennywise, le clown dansant, est un sosie parfait de la mascotte de leur compétiteur principal, le tout aussi terrifiant Ronald McDonald. La plainte affirme que Pennywise se présente sous la même palette de couleurs que Ronald jusqu'au ballon qu'il utilise pour attirer les enfants vers le festin, le sien ou le leur, respectivement. La compagnie soutient que ces faits vont à l'encontre des lois publicitaires du pays. Un porte-parole de l'Office anti-monopole a affirmé que la question allait être examinée, afin de déterminer si le film contrevient à la loi. Hey, dude! Hey, ça prend un gros soupir de « on s'en crisse » là, pour accoter ça. Là. Solide. Merci, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Sacrement! On vient d'avoir un sapristi de 70%. Mario, ça se passe bien de ton bord? Oui, ça se passe bien. Mario, il dit qu'il est correct. À partir de maintenant, je remercie tous les chroniqueurs qui sont passés. Je remercie beaucoup les techniciens. Notre invité, Mario Peluso. On va faire jouer quelques chansons du cru à Jocelyn pendant un temps. Le temps de métamorphoser la scène pour avoir des chansons de Mario Peluso live. S'il vous plaît, on écoute. On est très content de l'avoir avec nous. On l'applaudit, mesdames, messieurs. C'était 70%. Mon nom est Tommy Godette et je vais avoir un micro dans votre face dans pas longtemps. Marie Zilico explose tout le temps. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer les couleurs des ceintures de karaté? Pourquoi y a des enfants, des annonces de char pour plusieurs, des barbeaux et des œuvres de bar? Faut pas rester en cabané, ton écran va finir par te rendre cerné. Je vois dans tes yeux, je suis trop sabité. Je le vois dans tes yeux, je suis trop sabité. Il y a des oiseaux, on peut pas chialer. Viens nous voir à la plage demain. Beach party. This. Pour toute la famille. On a perdu Mario Peluso. Quelqu'un sait, il est où? Ah, il pisse! Respect! va jouer debout. Bonsoir, mon nom est Mario Peluso. M'avez entendu dire des niaiseries depuis tantôt. Maintenant, je vais en chanter. Non, non. Quand je chante, je suis sérieux. Je vais chanter la chanson qui m'a popularisé partout à travers le Québec, le Canada, le monde. Un petit peu trop de reverb dans ma voix. Allô, allô? Ha! Ça s'appelle Témiscamingue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Témiscamingue ici? Yes! Combien de gens, levez vos bras, ceux qui connaissent, qui ont jeté au Témiscamingue? Oh là là! Vous n'êtes pas si nombreux. Me semblait que ça me prenait une erreur en commençant. Mais c'était pas une erreur. C'est ma conjointe tantôt qui m'a donné le mauvais. Qui m'a donné le mauvais harmonica. Je me lève le matin, que j'ai plus envie de rien, ni de toi, ni de personne, ni de cette vie monotone. C'est devenu trop pénible, continuer c'est impossible. Je suis au point de non-retour, je prends la sortie côte et côte. De moi, ça m'importe peu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais là, mon cœur n'y est plus. Cette fois, ce n'est pas de la frime. Pis c'est pas juste une autre déprime. Faut faire face à la musique quand c'est le temps de fermer la boutique. Hey, tout le monde ensemble! Discipline. sentiment, c'est comme le vent. Ça peut tomber à tout moment. Je sais que ça va te faire de la peine, mais j'en veux plus de tes je t'aime. Non, j'en veux plus de tes je t'aime. Une chanson que je fais même pas en spectacle maintenant, mais ce soir je la fais pour vous autres. Ça s'appelle Le Fish Creek. Ça raconte une histoire. L'histoire de la perte de ma virginité. Oui, messieurs. Oui, mesdames et messieurs. J'avais 20 ans. J'étais un peu niaiseux. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'étais un late bloomer. En 1982, j'avais 20 ans, j'étais pas vieux. M'en souviens comme si c'était hier. Y'avait du pot, y'avait de la bière. Saute dans le pick-up, score Red Pine. On était là, toute l'ancienne gang. Y'avait moto, y'avait Charlie, plein de boucanes dans le Jawelly. Une autre belle soirée d'été, bien sûr le fun, y'était pogné. Quelques bouteilles de fort sur la table. On était jeunes, fous et capables. En deux gorgées, y'avait une puff. Dans le temps, c'était du vrai bon stuff. J'colle un chalk wagon à moutarde. Lève-la, dis pas qu'elle me regarde. Cul à l'air, on se pitch à l'eau. Elle veut tester ma libido. Assois la grande, est en chaleur. Ses yeux n'ont plus la même couleur. Elle veut ma peau, pas de doute. En way, embarque dans la chaloupe. Je t'emmène au camp de chasse à Lucien. On va faire ça jusqu'au matin. La face en plein dans le pare-choc. Toi direct sur le G-spot. Pas de plaisir quand y a de la gêne. Parle-en aux filles de Sainte-Eugène. J'ai pas de mal à se faire du bien. Surtout quand ça ne coûte rien. Une game de fesses sans conséquence. Ça commence bien les vacances. C'est pas fini. Ça continue. Oh là là. À l'heure, on se pitch à l'eau. Elle veut tester ma libido. À soi, la grande est en chaleur. Ses yeux n'ont plus la même couleur. Elle veut ma peau, y'a pas de doute. En way, embarque dans la chaloupe. J'emmène au camp de chasse à Lucien. On va faire ça jusqu'au matin. La face en plein dans le pare-choc. Le doigt direct sur le G-spot. Pas de plaisir quand y'a de la gêne. Parle-en aux filles de Sainte-Eugène. Pas de mal à se faire du bien, surtout quand ça ne coûte rien. Une game de fesses sans conséquence, ça commence bien les vacances. ghetto blaster au maximum. J'ai fait ça pareil comme un homme. Dans le ciel, y'avait un plein de météores. Fait qu'on a fini ça dehors. As-tu quelque chose de plus génial qu'un peu de gymnastique génitale sur la banquette d'une vieille Buick dans le fond d'une baie au Fish Creek? As-tu quelque chose de plus génial qu'un peu de gymnastique génitale sur la banquette d'une vieille Buick dans le fond d'une baie? Oh, Fish Creek. Une demande spéciale. Oui. Ceux qui m'ont invité ce soir. Je vais exécuter la demande spéciale. Tommy qui s'appelle? Oui, Tommy. Tommy, il est où Tommy? Tommy, pour toi. En fait, je vais la chanter si... À une condition, que tu me payes une autre bière. Toujours voulu aller loin, tellement travaillé pour ça. Tu sais que j'en avais besoin. Contre ma voile, je m'en allais, je m'emballais, mais là je vois que mon étoile, c'était bien toi, toi qui filais. Si tu savais comme je m'ennuie, comme j'aimerais mieux être avec toi. Bien sûr que ma vie est ici, mais qu'est-ce que la vie sans tes bras? Alors je te l'écris. Toutes les étoiles dans la vie sont des aisés que je t'envoie. Là j'ai le goût de m'arrêter, de ne plus courir après le temps, de ne plus brûler tous nos étés sans avoir senti le printemps. Là, j'ai le goût de te savoir tous les matins auprès de moi et de me coucher tous les soirs dans le creux tendre de ta voix. Tu savais comme je m'ennuie, comme j'aimerais mieux être avec toi. Bien sûr que ma vie est ici, mais qu'est-ce que la vie sans tes bras? Alors je te l'écris. Toutes les étoiles dans la nuit sont des baisers que je t'envoie. Là, je veux prendre le temps de voir pousser les honneurs comme des fleurs, la sentir dans tous les regards et prendre des secondes pour des heures. Je voudrais qu'on aille au cinéma, qu'on se promène où tu voudras, qu'on aille ici, qu'on aille ailleurs. Toi l'espace de mes bras. Si tu savais comme je m'ennuie, comme j'aimerais mieux être avec toi. Bien sûr que mes yeux sont ici. Comme je m'ennuie, comme j'aimerais mieux être avec toi. Bien sûr que ils sont tes bras. Yeah. je te l'écris. Merci, m'en faire une dernière. Chanson qui s'appelle Plein le cul. J'ai commencé à composer cette chanson-là il y a 10 ans. À l'époque, le gouvernement chrétien était au pouvoir, maintenant c'est Justin. Le mur, qui est le titre d'ailleurs de mon dernier album. La planète Terre est un jardin d'Éden. Ouais, la guitare. À moins que tout le monde arrête de parler, je pourrais chanter a cappella. Si tout le monde arrête de parler, personne parle, je chante. Planète Terre est un jardin d'Éden où c'est vraiment le diable qui mène. Qui brûlera jusqu'au fond de l'océan. C'est l'air qu'on respirait. On va vers le mur dont on a posé les pierres. Même le temps n'est plus sûr. Il serait temps de croire en l'homme, en l'homme et la nature. Quand je pense à mes rêves d'enfant, dans les vacances, le sable et le vent, mes châteaux avalés par la mer, tout peut partir, la vie est éphémère. On s'en va vers le mur. On a posé les pierres, même le temps n'est plus sûr. Il serait temps de croire en l'homme et la nature. Bientôt 10 milliards de gens sur la terre. Ce soir, je pense à vous, mes sœurs et frères. Nature. Merci tout le monde. Merci Tommy, merci Élise de m'avoir invité. Ça fait une très soirée, très agréable pour ma part. Merci beaucoup tout le monde. Mario Peluso, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, donnez-y. Wow. Est-ce que j'aime ça, les Zydeco, le folk, ces affaires-là, le monde qui vient chanter le trip, puis quand ils ont déviergé la fille de Saint-Eugène, c'est des affaires qui me font vibrer en dedans. Je reconnais le reste. Merci beaucoup, Mario. En spectacle, en fin de semaine, à Saint-Sauveur, aux Vieilles Portes. Samedi le 7. Dans le cadre de ma nomination Album Country de l'année à la 10 cette année, au Gala de la 10, ben oui. On l'avait oublié, celle-là. Il avait oublié. J'ai oublié la promo. Il est incroyable. On va sûrement te réachaler pour que tu viennes nous en jouer. Merci beaucoup. Ça termine la première partie de notre spectacle du lundi. Quelque chose qui est 100% gratuit. Et je m'appelle Tommy Rémy, mesdames, messieurs. Merci, Mario. À partir de maintenant, on va passer en VJ. Vous savez comment ça marche. On sort des projectiles et il va y avoir des clips. Les deux ne sont pas nécessairement associés, mais si tu lances des projectiles dans d'autres choses que ce qui se passe à l'écran, va consulter, s'il te plaît. En attendant, c'est la soirée douteuse et je passe la POC tranquillement à nos deux VJ. On a Éric Bélanger et Tommy Colin-Vallée. Comment ça se passe de votre bord, messieurs? Est-ce que... Bonsoir! Ils sont en train de... Bonsoir, Tommy est en train de prendre le relais. Il transporte, il y a de la passion dans l'air. C'est bon, je lui laisse le contrôle, on sort les projectiles. Hey yo, c'est DJ Org, vous écoutez Raka Raka Rack, 70% yo. Hey! Merci, Brouha! J'espère que vous avez eu du plaisir ce soir jusqu'ici. Ça me fait plaisir d'avoir fait cette playlist de VJ-là pour vous. Et je remercie Eric aussi de m'avoir accompagné pour cette soirée assez intéressante. Merci. C'est maintenant le moment de libérer votre bourse, car nous avons des lots à vendre. Je dois vous dire, avant de commencer... que douteux.org est un organisme à but non lucratif. Donc, pour réussir à survivre et à vous offrir des soirées aussi enlevantes, ben en fait, on vend quelques petits memorabilia intéressants. Et on va commencer tout de suite, l'encan, par un lot de VHS assez savoureux. Avec, et pour les nommer quelques-uns, j'ai ici Cible humaine avec Ice-T et Roger Hauer. Ice-T qui est un très bon acteur. Ça, vous ne pouvez pas ne pas pouvoir vouloir avoir ce film-là. C'est Being John Malkovich, en français, dans la peau de John Malkovich. Très bon film, soit dit en passant. Boys Meet Girls. On a Haute Tension, Mission Impossible, en tout cas, on en a un shitload. Et en français, et on part ça, mesdames et messieurs, avec un lot dérisoire de 2$! Est-ce que j'ai 2$ pour un lot de VHS mémorable? 2$, c'est rien. On a 2$! Merci, monsieur! Qui dit mieux? Est-ce que j'ai 2$50? Personne veut 50 cents dans sa poche. J'ai-tu 2$50 pour un gros lot de VHS que vous pouvez crisser au bout de votre bras et avoir du plaisir à varger dedans? 2$50. Personne n'a 2$50 pour un lot de VHS. Ça vaut même pas 2$50 un lot de VHS. Alors j'ai 2$ une fois. Vous allez le regretter toute votre vie. 2$ deux fois. Bing John Malkovich. Mission Impossible avec Tom Cruise. Haute Tension. Un film de Ice-T. Ça se voit pas souvent. 2$ trois fois. Adjugé à monsieur ici. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Car nous avons d'autres lots aussi intéressants. Et j'amène ici M. Boudreau, vous pouvez peut-être le présenter avec les pages à l'intérieur, le Players Handbook de Donjons et Dragons. C'est pas n'importe quelle édition, c'est 3.5. La vraie édition de Donjons et Dragons, pas la 4. Est-ce que la 4 est plate? La 3.5, c'était la bonne. Et c'est pour vous. Et c'est pour vous. Pour seulement... Combien j'ai ici? 1$! Est-ce que j'ai 1$ 25. 2$! 2$ pour le Players Handbook 3.5 de Dungeons & Dragons. J'ai-tu entendu 3$? J'ai entendu juste 2$. 3$? 3$ pour le Players Handbook de Dungeons & Dragons version 3.5. Qui dit mieux? 4$! Cette femme est merveilleuse. Personne ne peut la battre. Je suis certain, vous n'êtes même pas game. 5$! Oh, on a la testostérone ce soir qui veut jouer à Dungeons & Dragons et pas avoir de femme. On a 5 et 25 pour te faire pisser dans tes culottes ici. 5 et 50! Ça n'arrête plus de monter! Est-ce que... 5,75? Tu vas perdre ta virginité à soir, toi. Continue comme ça. 5,75, une... Il y a le CD dedans. Pour générer des caractères. 5,75 une fois. 6$! Oh, asti, c'est interminable! 6$! 6,25! Asti! Je suis plus capable! 7$! Arrêtez-les, quelqu'un! Bidez, asti! Finissez ça au plus vite! 7$ une fois! 7$ deux fois! 7,25! Ça vaut, l'asti! Merci. 7,25 une fois. Es-tu mieux que ça, 7,25 deux fois? 8. On a une légende ici. Oui, Étienne. 8$. Tu veux-tu avoir un livre? C'est le core book. 1. Il a appartenu à quelqu'un, on le sait. Tu peux lire comme tu veux. Il y a des pages. J'ai 8 crises de pièces à date, là. Y a-t-il quelqu'un? Ça vaut au moins 10 pièces et quelques. On est encore en bas du cost. Asti que je l'aime! Ça, c'est quelqu'un qui a des couilles et qui a pas peur de l'annoncer à tout le monde. Je vis dans le sous-sol de mes parents et j'ai du plaisir. 9$. 9,50! Ça, c'est ironique rendu là, mais j'aime ça beaucoup. 9,50. 9,50 une fois. 9,50 deux fois. 9,50 deux fois. Adjugé à monsieur là-bas. Moi, là, ce gars-là, je vais lui faire un temple et des offrandes à tous les jours. On va passer au troisième lot de la soirée. Je n'ai plus d'énergie. Je vous adore. C'est un T-shirt, mais pas n'importe quel. Il y a son étiquette encore, c'est neuf. Tiens, Mathieu, tu viens me... Non, t'es un homme bionique, t'es capable. On a un excellent T-shirt ici pour les gens qui aiment les Nintendo, qui aiment souffler dans les cassettes en particulier. C'est toutes des cassettes de Nintendo! On passe ça à... Inspirez-moi, là. Faites-moi un prix là-dessus. 5$! 5$ ici. 5 gros dollars et 50. 50. 7,50$ là-bas! 7,50$, applaudissez-le! Il sait compter. C'est un homme fantastique. 7,50$ pour un chandail de... C'est un X-large, mesdames et messieurs. Excellent pour faire de la peinture à la maison. 8$! Il se bide lui-même, le tabarnak. 8,25! 8,50! Donnez-moi quelque chose de plus fort que ça, s'il vous plaît. OK, il est sous-mort, mais il est à 10$. Il est à 10$. On est à 10$! On est à 10$. Il le veut. Il le veut. Fait que si vous êtes quelqu'un de méchant qui voulait que cette personne-là souffre, c'est le temps, là, d'y faire mal à 11$. Y a-t-il quelqu'un qui veut ce beau chandail-là? pour 11$. J'ai 10$ une fois. 10$ deux fois. C'est votre dernière chance. Il n'y en aura plus, là. 10$ trois fois du jet à monsieur dans le fond là-bas qui le voulait. Et on passe au dernier lot de la soirée, mais non le moindre! Les splendides œuvres d'art de Madame Moëllerie Picotte ici. Vous pouvez la présenter. Tu peux venir avec moi. On va présenter cette œuvre d'art. Et là, je ne veux pas de petits prix, là. Ça, c'est de l'effort, c'est du talent, c'est des couleurs et c'est des ninjas surtout. C'est des hosties de ninjas cadrés. Et je ne demande rien de moins. Oui, monsieur. Est-ce que là, une chick-a-chick, tu penses, va à un guichet au plus Chris, puis on va arranger ça. Là, on veut du cash. On veut surtout du cash ici. Là. On arrête de... Fait qu'il y a des guichets. Il y a des guichets. On passe à 20$ certains. Ben, on a 20$! Est-ce que j'ai plus que 20$ pour des ninjas? Qui... Des ninjas E. Des kunoichi, en fait. 20$ une fois. 20$ deux fois pour une œuvre d'art. T'as veux-tu, la crise d'œuvre? Non, je te demande un prix. Là, ça suffit. 20$. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer 20,50$ pour cette œuvre-là? On ne demande pas. 25$! Oh! Là, on commence à parler. J'ai 25... 30$! Oh! Je vais bien dormir ce soir. Merci. 30$ une fois. 35$! 35$ ici! Je ne suis pas sustenté encore. Vous êtes capable. Combien? 40$! 40$ et un coupon de bière pour une... 40... Vous payez 40$, en plus, vous avez une bière gratuite. Elle augmente le prix, là. Ça, ça n'a pas de prix. 40$ une fois. 40$ deux fois. 40$ trois fois est vendu, adjugé! Je vais laisser à partir de ce moment-ci le micro à Tommy Godet qui va vous expliquer le film de ce soir, Highlander 2. Monsieur Godet, s'il vous plaît. Non, en fait, Mathieu a scoré vraiment, Mathieu, le seul des Highlanders. C'est le seul de toute la série. Le 3 est presque assez mauvais pour que ça devienne diffusable ici. Le 2, par contre, c'est la compagnie d'assurance qui a pris le contrôle du set de tournage. Ça prend un film, on n'a pas signé Sean Connery pour rien. On n'a pas signé Sean Connery pour rien. Sean Connery! Sean Connery! Avez-vous vu le bout qui dit que c'est correct de frapper une femme si elle veut rien comprendre? Ça se Google. C'est peut-être pour ça qu'on le voit moins dans des films, je sais pas. Là. Ce soir, on va écouter Highlander 2, The Quickening. Et ça, c'est vraiment une joke permanente dans mon schéma de la compréhension des affaires. Si t'as un 2, tu sais, mettons, Highlander 2 de Highlandering, mais ils pouvaient pas dire ça parce que c'est le quickening, parce que c'est plus un pouvoir de wizard. Parce que vous vous rappelez comment c'est important qu'il ne peut en rester qu'un, sauf qu'il y a un 2. Dans la première version, là, c'était des druides dans le passé qui voulaient savoir c'est qui le meilleur des meilleurs, puis se sont tous fait un spell en même temps pour se froser que quand il y en avait un qui reprenait conscience. Fait que là, un coup que t'étais le meilleur des meilleurs à la fin du tournoi, t'étais jamais en mode éternel content de vivre ça. T'étais tout le temps, peut-être qu'il reste un de mes chums qui se sont frosés dans le passé qui va réveiller n'importe quand pour venir avoir envie de me viander. Concept. C'est vraiment hot comme concept. C'est vraiment hot. Tu sais que Superman, il peut tout faire, mais il a peur de la kryptonite. Ben moi, je viens de te parler d'un plan avec des druides qui ont fait... OK. Dans le film de ce soir, à un moment donné, ça coûtait tellement cher d'enregistrer ça. C'était en Argentine. Le set, tout. Vous allez voir, c'est décalage. De fil en gaffe, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que c'est la compagnie d'assurance qui s'est ramassée responsable de tourner des séquences et de faire un lien, de faire de quoi d'exportable, de montrable. Montrable, ça n'existe même pas. Il était rendu là. La compagnie d'assurance s'occupait de payer un scénariste qui avait assez confiance en sa juivité pour finir la patente, genre. Et on se ramasse avec un film charnière duquel ça fait vraiment pas beaucoup longtemps que je suis en train de vous en parler de par rapport de combien je peux vous en parler. Highlander 2, c'est un film important dans l'histoire du cinéma douteux. Et on va l'écouter maintenant. C'est vraiment, vraiment beaucoup de marde. Toutes les séquences, tu te dis au moins une fois. Ah, oh, ouais. tout le temps. Même, mettons, là, tu sais, c'est un champ contre champ, puis à toutes les fois que tu vois le champ contre champ, tu fais. Ah, oh, ouais. Puis ça, à un moment donné, ça fait une espèce de boule. Puis il faut que ça sorte. Puis on écoute ça un lundi. On est entre nous autres, c'est un visionnement douteux.org, c'est Highlander 2, The Quickening, version française, Highlander 2, Le Retour. Est-ce que c'est le Special Edition, demande le gars avec des lunettes. Non, on sent tabarnak. C'est la version qu'on écoute maintenant, Highlander 2, The Quickening. On est là lundi prochain, c'est sûr et certain. Ça va même être un film d'horreur avec le méchant. C'est un monstre femelle dans le film d'horreur. Que, hashtag féminisme, c'est important. Merci. C'était pas pire. Je suis vraiment, vraiment dessous, là. Sérieux, là. Check ben. Non, hey, c'est assez, là. Me semble que ça fait longtemps que vous auriez dû me pitcher quelque chose. Ah non, c'est vrai, faites pas ça. Ouais. Je m'appelle Charles Beauchesne, je fais de l'humour depuis à peu près 6 ans. Vous m'avez peut-être vu à la télé dans des espèces d'affaires random, genre à Canal D, puis en route vers mon premier gala, puis le reste des affaires qui sont destinées aux humoristes underground que vous verrez ou ne verrez pas dans le futur. Et j'écoute 70%. Ah ouais, c'était et pas j'écoute pour... 70%, merci, j'ai pas le choix de l'écouter. C'est pas pour parler de toi trop, là. C'est 70% et 100% en train de se passer en ce moment. Ouh, j'ai pas le choix. Je pense que je vais le garder, ce bout-là. Moi et mes trois petits frères, c'est un des shows qu'on est allé voir, les quatre en même temps. Et on s'est dit, après le show, ben, surtout Philippe, il s'est dit, on va partir cette toune-là. Et là, il a commencé à chanter « Olé, olé ». Et là, le Métropolis, qui avait 2000 personnes dedans, a tranquillement, pas vite, commencé à chanter ça. Et on est allé fumer un joint en regardant ça se développer. Et ça a duré vraiment longtemps. On était très contents d'avoir démarré cet outburst d'énergie. Et d'ailleurs, bienvenue. Vous êtes au Lundi douteux, le meilleur show gratuit du lundi au monde. Mon nom est Tommy Godette et je serai votre hôtesse pour cette magnifique visite au pays de ce qui s'en vient. On a un excellent long-métrage. J'ai proposé deux films de Christophe Lambert. Tout le monde connaît Christophe Lambert. C'est lui qui fait... Et donc, on a ce soir Christophe Lambert. C'était entre Beowulf ou Highlander 2. Highlander 2, c'est un film duquel on peut parler longtemps parce que c'est vraiment une période charnière dans la manière que le cinéma a été fait, vendu, exporté, escompté de taxes, puis toutes ces affaires-là. Au final, c'est beaucoup la compagnie de production, alias la compagnie d'assurance, qui s'est occupée de finaliser le scénario à sauce comme il voulait. Christophe Lambert a mentionné souvent que s'il n'y avait pas eu les obligations contractuelles qui l'ont poussé à finir ce film-là, Highlander 2 n'existerait pas. C'est donc un excellent côté des contrats plein de cul, de genre « faut que tu me fasses 3 albums en 2 ans » ou « t'as pas le choix de faire Highlander 2 parce qu'il ne peut en rester qu'un plusieurs fois ». Juste avant ça, on a 2 VJ. Son nom, c'est Tommy. L'autre, c'est Eric. Les deux vont se partager 1h30 à leur façon. Le hockey recommence cette semaine. J'aime mieux qu'on n'en parle pas nulle part. J'espère qu'ils n'ont pas mis de clip de hockey. Papa, papa. Les tabarnaks. Sinon, ben, ils feront bien ce qu'ils veulent, là, cela dit. tant qu'il n'y a pas comme de... OK, j'imagine une affaire que je veux pas voir sur l'écran tantôt. OK, c'est bon. OK, ben, c'est fait. On continue. Juste avant ça, on a une performance live de notre invité à 70%, Mario Peluso, qui est dans la place. On applaudit maintenant, s'il vous plaît. On est très content de l'avoir avec nous. C'est un artiste que je vais découvrir un petit peu mieux avec vous, mais que j'aime beaucoup ses tunes parce que c'est bon. Fait que là, il va en faire 2 tantôt et tout le monde va être content. Ça va demander un petit peu de concentration après ce 70% qui va être mis en musique par l'excellent Jocelyn Thérien, flanqué de son douchebag favori, JF Cardinal. Oh, et ça vaut des applaudissements. Et on a Valérie Picotte qui nous transforme ce qu'elle est en train de vivre en images et la chose sera vendue à l'encan plus tard. Elle a dit qu'elle a beaucoup aimé sa première expérience parce qu'on a été délicat. On a été à l'écoute de ses besoins. C'est ça. Donc, on va parler avec elle un peu plus tard pour en apprendre sur l'image qu'elle est en train de nous concocter. Et ce 70% donc sera précédé de notre mise en bouche de la soirée. Il aime beaucoup quand je dis que c'est un monologuiste. Mesdames et messieurs, on peut applaudir JF Dénommé, s'il vous plaît. Maintenant! Yeah! Tommy, là! Applaudissez Tommy, tabarnak! Applaudissez Tommy, tabarnak! Bon! Ah, mais c'est quand même pas mal à soir, c'est cool. Si moi, je viens tester un petit truc, puis je pense que c'est pas drôle pour de vrai, parce que je parle, je veux parler de la réalité. Puis tu sais, la réalité, la vraie réalité, là. Pas la réalité filmée en HD avec des Chiquitas bronzés en février, puis des messieurs un petit peu trop huilés, là. Non, la vraie réalité. C'est comme la réalité que si tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, tu te déplaces comme un esti de primate, tu vas cogner chez eux, puis hey man! Viens voir de quoi, tu vas pas le taguer sur une vidéo, là. Tu sais, tu vas te déplacer, tu lui montres quelque chose, tu es comme damn, c'était ordinaire finalement. Tu sais, non, mais c'est mieux se déplacer pour voir quelque chose d'ordinaire que d'apprendre qu'on a trouvé un remède pour le cancer, faire juste like. C'est plat, juste liker, faire bon, à ce temps, j'allais voir une vidéo d'un d'autre qui se taise le chest. Non, c'est ordinaire. C'est ordinaire, mais je trouve qu'on veut tout leurrer un peu notre réalité, là. On fait tout ça, on veut tout leurrer. Comme moi, mes parents sont séparés. Puis fait que maintenant, ma mère, il y a un nouveau monsieur qui couche avec. Puis non, mais ça me dérange pas, je suis super à l'aise avec ça. Mais genre, je trouve juste ça weird parce qu'il est ultra dédaigneux dans la vie. Fait que moi, si je fais juste licher sa brosse à dents, lui me parle pas pendant 6 mois, mais il peut mettre son pénis ou que tout mon corps est passé au complet. Puis ça, c'est correct. Ça, c'est vrai pareil, ça fait mal la vérité. Comme l'autre fois, je suis dans un bar, je parlais avec une fille. Il y a un monsieur, il vient me voir, il me dit « Est-ce que tu savais que cette fille-là, c'était ma blonde? » Ah non, est-ce que t'as dit que cette fille-là, c'était ma blonde? Moi, j'étais comme « Non, man. » Elle m'a juste dit « Ça, c'était trop. » J'ai désassumé la blague. Au début, j'étais comme « Non, vas-y, c'est cela, tabarnak! » Mais finalement, je fais « Non, ok, on va faire ça moins dégueulasse. » Non, mais c'est vrai, on fait tout pour leurrer notre réalité, mais peu importe ce que tu fais dans la vie, ta réalité va toujours finir par te rattraper, salope. Ouais! Ouais, salope! Je l'ai dit parce qu'on est tous un petit peu la salope de quelqu'un. Là. Chaque salope a sa pétasse, puis chaque pétasse a sa pute, puis la pute, c'est moi. Je suis vraiment une grosse pute où je m'en allais avec ça. C'était juste une belle prémisse, finalement. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que moi aussi, je fais exprès de leurrer ma réalité un peu. Là. Moi, je consomme beaucoup de drogue. Je fume du pot pour faire ça. Puis au début, le pot, c'était génial. Je fumais, puis je retrouvais la curiosité d'être un enfant. J'étais comme, man, on trouve les fruits qui goûtent les Froot Loops, man, c'est quel fruit? J'étais hyper émerveillé, mais plus tu vieillis, plus la drogue, ça devient négatif. Tu sais, mettons qu'un bébé naît au monde, tu vas faire genre, ah, oh, il va en briser des cœurs, ce bébé-là. Tu diras pas, ah, oh, il va en dealer de la poudre, ce bébé-là. Pis pourtant, dealer de la poudre, c'est vraiment moins pire que briser des cœurs, man. Je veux pas. Pourquoi tu veux que mon bébé fasse de la peine à du monde? Je veux pas que mon bébé plonge du monde dans la dépression. Là. Il peut juste dealer de la poudre pis rendre du monde heureux, là. Briser des cœurs, man. La drogue s'est rendue violente. Même moi, quand je fume aujourd'hui, j'ai plus la belle naïveté de l'enfant, je deviens parano. Genre, mettons, je fumais un joint l'autre fois devant un bar, puis derrière moi, il y avait un autre qui parlait au cellulaire, puis j'entendais juste « Allô, est-ce que tu m'entends? » Puis là, j'étais comme « Fuck, man, est-ce qu'il me parle à moi? » Je veux pas me retourner, parce que si c'est pas à moi qui parle, je vais avoir l'air cave. Puis si je me retourne, puis c'est quand même à moi qui parle, je suis défoncé, je vais avoir l'air encore plus cave, man, qu'est-ce que je fais? Puis il est encore « Allô, est-ce que tu m'entends? » Là, je suis comme « Fuck that, hein. Qu'est-ce que je fais? » Ok, je m'en vais subtilement. Où je m'en vais à côté de lui, puis je fais ah, je m'appelle Jason Bourde. Oui, je vous entends, monsieur. Avez-vous une mission pour moi? Puis là, pendant que je me disais ça, lui, il fait juste dire ok, c'est cool, je t'entends, JF. Là, je suis comme oh fuck, man, c'est mon nom. Puis l'autre fois, je le poignarde dans le cou, puis je vends son corps à une épicerie créole. Pas peur de ça, moi, vendeur un rein. T'as-tu déjà donné un rein, toi? Non? Ouais? Chris, mais ça, c'est le genre de questions que je pose à des chauffeurs de taxi. Y'a pas. Ça, c'est le genre de truc que j'ai passé en fumant de la drogue, justement. Mais, je parle beaucoup de drogue depuis tantôt, puis moi, je déteste le monde qui juge trop la drogue. Parce que c'est impossible d'éliminer la drogue d'une société. Fait que si c'était juste de moi, on devrait juste inclure la drogue dans la société, puis juste bien l'encadrer, là. Si c'était juste de moi, la drogue serait dans le guide alimentaire canadien. Ça serait. Ah ouais! Ah ouais, viande, céréales, légumes, un petit peu de marijuana, ce serait bon pour tout le monde. On pourrait faire, non, on pourrait faire des comptines pour enfants avec ça. Genre 10 pilules, 8 petits joints, 5 grosses tracks, 3 buvards et un peu de moche et une souris. What the fuck, une souris verte, man! Ça serait pas pire, non? Ok, on pourrait faire une télé-réalité avec ça. À place de qui perd gagne, ça serait qui bat trip devient pathétique. À l'épisode 1, tu vois une belle famille. Fantastique, rendu à l'épisode 4, tu vois juste une grosse face squelettique qui fait un témoignage genre nostalgique, de genre « Ah, oh, je m'ennuie du temps que j'avais des gencives, ça serait beau! » Puis le gagnant, il devient Éric Lapointe, ça serait ça! Merci tout le monde! JF de nommer, mesdames et messieurs. Yeah! Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.